Ok, donc aujourd'hui on va vous parler de benchmarking et puis de la quantification et des enjeux politiques qui peut y avoir autour. Donc ce que je vais présenter moi dans cette première partie, en essayant de ne pas être trop long et d'ailleurs pour me surveiller, on a plus ou moins prévu de faire de l'ordre de 20 minutes chacun. L'idée étant que vous interveniez en particulier pour tout ce qui est de l'ordre de questions ou de choses pas claires pour qu'on développe ou qu'on reprenne en cours, donc n'hésitez vraiment pas. Vous verrez, ça va commencer par de la physique, donc c'est plutôt un test pour voir si les gens osent interrompre. Et puis ce qui est plutôt de l'ordre du débat après nos interventions. Donc voilà, si dans 40 minutes il n'y a que nous qui avons parlé, il faudra essayer d'évoluer un peu. Donc moi je vais commencer par parler principalement de la quantification en essayant d'illustrer autant que possible ce que je raconte par l'enseignement supérieur et la recherche et les politiques qui transforment ce secteur-là dans les années récentes, en particulier en France. Et donc le concept dont on va parler dans cette première partie, c'est celui de quantification tel qu'il est étudié par Alain Desrosières, en particulier dans les deux livres qui sont là, si vous voulez jeter un œil, merci beaucoup. Donc Alain Desrosières, c'est un administrateur de l'INSEE, qui a fait Polytechnique puis l'ENSAE, qui est donc le cursus idéal pour faire ça, qui est donc un des représentants typiques de la statistique en France, la statistique au sens du service de l'État qui produit des données. Il a donc été administrateur INSEE à partir de la fin des années 60, et il est maintenant membre d'un centre à l'EHESS d'histoire des sciences. Et il s'intéresse à l'histoire et à la sociologie des statistiques. Voilà, et donc je vais vous parler de l'argument statistique, donc qui est le nom de ce livre, dont les deux tomes s'intitulent pour le premier « Pour une sociologie historique de la quantification » et le deuxième « Gouverné par les nombres ». Donc c'est un peu ça l'enjeu de ma présentation. Donc la première chose dont je vais parler, c'est de la quantification en distinguant deux parties. Une première partie où j'essaie d'expliquer pourquoi il y a une discussion et pourquoi il faut séparer ça de la notion de mesure, qui est sans doute une notion plus immédiate. Et puis une deuxième partie, essayer d'expliquer l'effet instituant que peut avoir la quantification, qui va être en lien avec l'histoire de gouverner par les nombres, pour reprendre le titre du livre de Desrosières. Voilà. Donc là, pour dire en deux mots le début de l'idée, de différence entre quantification et mesure, pour Desrosières, quantifier, c'est convenir, puis mesurer. Donc il y a une première étape avant la mesure, dans le cadre de la quantification, qui est une étape de convention, où on va se mettre d'accord sur ce qu'on mesure, et on va voir que simplement dire ça, ça permet de remettre dans un contexte social et historique tout le processus de production des stats, et donc cet objet. Donc pour avoir un processus de mesure toute simple, il faudrait avoir au préalable, avant l'opération de mesure, des objets préexistants avec des propriétés qui n'auraient qu'à être mesurés, et donc qui soient donnés avant l'opération de mesure. Donc l'exemple de base de ça, c'est, et puis l'idée qui est derrière, c'est de reprendre des outils de la science au sens le plus noble possible, ou en tout cas le plus dur possible, des sciences naturelles et de la physique. Et pour prendre un exemple, que je vais essayer de développer, parce que c'est un exemple qui est à l'origine de l'usage des stats en sciences sociales, c'est de copier un peu le modèle de l'observation en astronomie, où il s'agit, pour prendre un exemple un peu précis, de mesurer la position d'une étoile dans le ciel. Donc là, ici, vous avez deux mesures, une mesure en vert et une mesure en rouge. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais de la position d'une étoile sur une projection du ciel en deux dimensions. Et donc ça, c'est une idée assez simple de mesure toute bête d'une position d'une étoile. Et Quetelet, qui est un savant du 19e, va essayer de transposer l'institution de l'observatoire, qui était une institution scientifique à cheval entre l'astronomie et la météorologie, si je ne dis pas de bêtises, au 19e, vers les sciences sociales. Il va vouloir mettre en place un observatoire de la société, et il va produire un livre qui s'appelle « Essai de physique sociale », enfin c'est le sous-titre. Le titre au départ, c'est « Sur l'homme et le développement de ses facultés ». Et donc dans cette idée de physique sociale, bah, il y a, enfin, dans ce titre, il y a toute l'idée de d'apporter une science dure, matérielle, concrète, naturelle, pour traiter les problèmes sociaux. Et c'est cette contradiction entre physique et sociale qui est un peu au cœur de la discussion autour de la quantification. Alors, pourquoi introduire des stats quand on veut mesurer la position d'une étoile ? Bah, principalement parce que ici, les deux mesures, c'est deux mesures de la position de la même étoile. Donc on a une étoile, a priori il n'y en a qu'une seule, elle est fixe. Quand on répète la mesure, on trouve des positions différentes. Et donc les astronomes choisissent de faire une stratégie statistique pour mesurer plus précisément la position de l'étoile en répétant plein de fois la mesure. Ils ont comme ça un nuage de positions. Et quand il s'agit de savoir où est vraiment l'étoile, puisqu'a priori l'étoile n'a pas bougé chaque fois qu'on a mesuré, on dit que c'est vers le milieu. Donc ça c'est l'invention de la moyenne. Et donc on va utiliser la moyenne des positions pour trouver une mesure aussi précise que possible de l'étoile. Donc elle est au centre. Donc ça c'est l'idée en stats, disons en physique, en astronomie. Et Ketley va essayer de reprendre cette idée-là et d'aller construire une version pour la société de cet objet de mesure statistique dans son observatoire de la société. Alors, une des premières choses qu'il observe, c'est la taille des conscrits qui est variable et qui s'avère suivre une courbe en cloche, la courbe gaussienne, qui est la courbe caractéristique des bonnes mesures statistiques. Et Ketley va développer une théorie autour de ça, qui est de dire qu'à partir du moment où on a une courbe en cloche qui apparaît quand on répète des mesures, c'est qu'en fait, il y a une cause commune au phénomène qu'on étudie, et donc c'est légitime d'utiliser une mesure statistique pour étudier ce phénomène. Donc ici, il y a une cause commune à la taille des conscrits, sans doute le patrimoine génétique, ça c'est un anachronique de le dire comme ça, mais bon, on fabrique des êtres humains qui vont avoir, dans un pays donné, c'est tous des hommes, et ils vont avoir une taille qui se répartit autour d'une moyenne. Voilà. Attention, j'ai toujours pas de questions, donc soit je suis extrêmement clair, soit vous êtes très timide. D'accord. Bon, je continue. Et donc l'idée c'est qu'à partir du moment où on a cette distribution gaussienne, on a la justification de produire un concept qui va aller un peu au-delà de simplement chaque individu et sa taille, qui est celui de l'homme moyen, qui va représenter en un certain sens la classe des conscrits, au moins pour la question de la taille. Et alors Ketley va généraliser à partir de cet exemple-là pour tout un grand nombre de caractéristiques sociales, comme le mariage, le suicide, la criminalité, et on va avoir des courbes de propension à la criminalité dans différents groupes sociaux, autour donc de cette figure de l'homme moyen, et où Ketley va essayer de chercher les sous-groupes sociaux dans lesquels la mesure fine gaussienne, et qui donc sont suffisamment homogènes pour qu'on les représente par un homme moyen. Et ça va évidemment construire des catégories sociales différentes, et on aura une proportion au crime en fonction de ces différentes catégories sociales. Alors, l'idée d'homme moyen n'est pas juste un concept intellectuel, c'est quelque chose qui a une réalité pour Ketley. C'est un être nouveau, mais bien réel lui aussi, l'homme moyen, qui existe en amont des individus, tous différents les uns des autres. Il constitue la cause constante de la distribution des tailles observées pour les conscrits. Donc il faut donner un sens très très fort à cette idée d'homme moyen, c'est un, voilà, quelque chose qui a une réalité, qui est très proche du concept d'idée chez Platon, d'une sorte d'être qui est à l'origine de la production de chacun des individus après, dans la catégorie correspondante. Donc ça va permettre de séparer un comportement macroscopique dans la société ou dans un groupe social qui est déterministe. C'est l'homme moyen qui détermine la taille des conscrits, c'est l'homme moyen qui détermine la proportion au crime ou la proportion au mariage. Mais chaque individu, lui, est aléatoire. C'est une mesure, comme les mesures de la position de l'étoile étaient aléatoires par rapport à la réelle position de l'étoile qui, elle, est fixe. Donc l'homme moyen, si vous voulez, a le même degré de réalité que l'étoile qui est mesurée. Alors cette position sans doute caricaturale de Quetelet et de l'usage des stats, en fait, reste principalement la façon dont est enseignée les statistiques aujourd'hui. Évidemment, de façon très large dans les cursus de sciences fondamentales ou de sciences de l'ingénieur, mais aussi dans la plupart des cursus de sciences sociales. Donc moi-même, qui suis enseignant de statistiques pour des économistes, quelques gestionnaires et des sociologues à l'ENS Cachan, jusqu'à l'année dernière, j'ai enseigné essentiellement ça. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai été élevé comme statisticien. Et pourtant, en fait, c'est quelque chose qui est remis en cause depuis le début et autour duquel il y a des débats. Je vais essayer d'expliquer pourquoi on ne peut évidemment pas prendre ça de façon aussi littérale. Alors, il y a deux aspects importants dans la discussion. Je vais les évoquer rapidement maintenant, puis après, j'essaierai de développer un peu plus profondément et essayer d'expliquer pourquoi, dès le début, c'est en discussion. Donc, la première discussion, c'est une discussion épistémologique sur quel est le sens de, quelle est la réalité de cet homme moyen, ou, si on laisse tomber l'homme moyen, de quelle est la légitimité de faire une opération moyenne, en fait, à partir de différentes observations. Et ça, dès le 19e, c'est critiqué. À la fois par de façon très radicale par le cercle de Vienne et en particulier Ernest Mach, ou par Pearson en stats, qui est un des fondateurs ou le principal fondateur de la statistique mathématique, qui va critiquer cette vision très littérale de l'opération moyenne qui découlerait d'un objet réel préexistant aux individus. Et la deuxième partie, c'est l'usage qui va être fait des stats, l'usage de gouvernement. Moreau de Jonnès, qui est un contemporain de Quetelet et qui est le premier directeur du Bureau de la Statistique Générale de France, qui est l'ancêtre de l'INSEE, va critiquer le fait que la mesure statistique justifie la mesure administrative ou politique qui suit. Et donc le fait que, à partir du moment où on commence à produire une statistique, une moyenne, en fait, on a déjà conditionné des décisions politiques ou administratives qui vont suivre. Bon, c'est quand même le premier directeur de ce qui devient l'INSEE après, donc c'est quelqu'un dont c'est vraiment le travail, les statistiques, qui déjà remet en cause cet usage dès le départ. Pour Moreau de Jonnès, c'est les statistiques plutôt au sens de faire une grande liste de données, plutôt que de faire des opérations dessus, de moyenne, etc. En tout cas, c'est sur ça qu'il y a un débat. Et il y a une grande controverse entre Moreau de Jonnès et Quetelet, ou en tout cas des gens qui se réclament de Quetelet, sur la gestion de l'épidémie de choléra, d'une épidémie de choléra au 19e, avec des débats sur la façon dont on comprend les stats qui ont des répercussions sur l'épidémie de choléra, enfin sur la gestion de l'épidémie de choléra. Alors le jeu de mots sur mesure dans la citation de Moreau de Jonnès, qui est la mesure statistique justifie la mesure administrative, qui a deux sens différents à mesure. Une qui est celle de l'opération statistique physique dont je parlais tout à l'heure, et puis l'autre qui est l'action politique ou l'action administrative. Cette ambivalence, en fait, est exactement ce qui est séparé par Desrosières, où d'un côté il va parler de mesure et de l'autre côté de quantification. Donc dans le cadre de la quantification, il se passe autre chose que juste la mesure de quelque chose qui serait objectif, réel, préétabli. Donc quand on passe de l'étoile, enfin, de sa position aux sciences sociales, on passe de mesure à quantification, il y a quelque chose de plus fort qui joue. On pourrait sans doute discuter de mesure en physique aussi, mais c'est plutôt pour un autre séminaire. Voilà. Donc dans l'idée de quantification, il y a vraiment mettre en avant à la fois le côté la discussion autour de la réalité des objets en jeu, et puis la discussion sur l'action qui est consécutive à la mesure statistique. Donc le rôle de gouvernement qui va suivre. Voilà. Donc ce qui se discute ici, en tout cas la première discussion, c'est une discussion plutôt épistémologique entre deux visions des objets sociaux, qui va être une vision plutôt réaliste et une vision conventionnaliste. Donc dans la première approche, Desrosières nous dit qu'on postule qu'il existe pour chaque individu des variables de valeur unique réelle, indépendante de tout jugement et des modalités de questionnement. Donc quand on mesure la taille de l'étoile, la position de l'étoile, ça ne dépend pas du point de vue de l'astronome, et ça ne dépend pas non plus du point de vue de l'étoile et de la façon dont tu lui as posé la question. Et sa position est quelque chose qui existait indépendamment du fait qu'on veuille la mesurer. On peut supposer ça. Ça, c'est la vision réaliste. Bon, Alors on peut aussi étendre ça sans trop de difficulté à la taille du conscrit, mais qui est déjà une différence, puisque le conscrit n'est pas exactement le même type d'objet que l'étoile. Dans la vision conventionnaliste, par contre, la trace de l'acte initial de codage reste visible et importante, soit dans une perspective de dénonciation, soit parce que l'agrégat est directement articulé sur une forme d'action collective. Dans ce cas, l'intention de l'agrégation et de l'addition reste présente dans l'usage de la statistique présentée. Alors, ici, ce à quoi pense Desrosières, c'est au fait qu'on va produire des nouvelles statistiques, on va quantifier des phénomènes qui ne l'étaient pas avant, comme par exemple les violences faites aux femmes, comme par exemple, pour revenir sur l'éducation qui va être la suite de mon exposé, le fait d'être boursier, c'est un choix, la catégorie boursier est une production de l'État qui répond à une demande sociale, à une discussion à un moment sur le fait d'être capable de financer la vie pendant les études, et qui donc va être une production administrative qui va évoluer et où on sent, ce questionnement qui reste de comment on produit, comment on construit cette catégorie, la partie convention, qui reste présente. Voilà, la définition de boursier est quelque chose qui a évolué assez récemment sous le ministère de Valérie Pécresse, et qui a été largement étendu à 50 000 boursiers de plus. Et donc évidemment, cette catégorie évolue, donc le nombre de boursiers et la réalité qui est mesurée par le fait d'être boursier évolue aussi. Alors là, il y a une notion mise en avant par Desrosières qui est intermédiaire entre ces deux visions des statistiques, entre réalisme et conventionnalisme, qui est celle d'indicateur, et qui va explicitement faire référence au fait qu'il faut trouver un équilibre entre ces deux visions, qui va être plus malléable que la notion de mesure, et qui en même temps va permettre de conserver une certaine autorité scientifique à l'acte statistique. Donc un indicateur, c'est une mesure statistique qui correspond à une vision de la réalité comme n'étant pas de la métaphysique et comme n'étant pas non plus un réel directement assimilable, directement mesurable. Pardon. Donc c'est un entre-deux entre une critique très radicale de la réalité des objets en sciences sociales et en même temps une vision très conventionnaliste. Voilà. Donc pour prendre un exemple, pour prolonger l'exemple du boursier, le taux de boursier dans un établissement supérieur, c'est à la fois un indicateur donc, de la démocratisation de l'enseignement supérieur ou de l'élitisme de certaines institutions. Il y a une part convention, que je rappelais tout à l'heure, la convention qui porte principalement en fait, sur les individus, chaque étudiant est un boursier ou pas, et on définit qui est un boursier. Donc pour prendre le cas limite ici, aujourd'hui en France, les boursiers d'échelon zéro sont en fait des gens qui ne touchent pas de bourse, mais qui simplement sont dispensés de droits de scolarité. Alors qu'en fait, ce qu'on va utiliser ici, l'indicateur du taux de boursier dans l'établissement, c'est une mesure qui caractérise plutôt l'établissement comme un tout et sa population d'étudiants. Et donc on va pouvoir à la fois avoir une description qui est quasiment une mesure objective du paysage universitaire français. On peut dire que 37% de la population étudiante en 2010-2011 est constituée de boursiers. Puis on peut avoir une discussion sur l'hétérogénéité de ce paysage universitaire. Dans les IUT, 45% des étudiants sont des boursiers, et dans les très grandes écoles de commerce, c'est seulement 5%. Donc là, il y a quelque chose qui est une vision très descriptive et qui est de l'ordre de la mesure, et qui est utile. Et en même temps, dans cette discussion-là, il y a la catégorie boursier qui reste discutable. Et on va pouvoir remettre en cause, en tout cas maintenir cette vision construction historique de cette catégorie. Alors, cette notion d'indicateur, elle est à la fois plus modeste que la vision radicale de mesure, et en même temps elle est plus solide, puisqu'elle permet de rester dans une position intermédiaire, et de tenir un discours qui va marcher à la fois vers un public très profane ou un public de spécialistes, parce que la notion est malléable et peut s'adapter. Elle est même polysémique, en fait, et on va pouvoir, à la fois, dans une vision un peu politicienne, par exemple, dans le cas de la controverse autour du nombre de boursiers d'enseignement supérieur, tenir que l'objectif de 30% de boursiers en classe préparatoire a été réalisé, ce qui est vrai, ou pratiquement vrai, mais ce qui est aussi une manipulation, puisque en réalité la définition de boursier a évolué au passage. Et donc en fonction de la personne qui reçoit le discours, c'est compris différemment et ça permet d'avoir un usage variable de la même notion. Je pense que j'ai un peu plus, je ne sais pas combien j'y suis. C'est vrai? Ok, super. Heureusement qu'il n'y a pas de questions. Ok. Bon, alors deuxième aspect de la quantification. Après avoir convenu de ce qu'on quantifiait et mesuré cet objet-là, c'est le fait qu'il y a un effet de la quantification, une institution de ce qui est mesuré et la façon dont ça a été convenu. Donc, Derrière nous dit que notre monde social et politique est, à proprement parler, non seulement reflété, mais aussi institué par ces indicateurs statistiques, et donc qui a un effet performatif, mais ça c'est pour une autre séance, de l'usage des statistiques. Alors, ce qu'il faut souligner très rapidement dans cet usage-là des stats, c'est deux choses. C'est à la fois qu'il y a une puissance, un gouvernement qui procède à la quantification, donc il y a un pouvoir à l'œuvre, que ce truc-là n'est pas quelque chose d'objectif et de neutre, c'est un choix, et qu'il y a des effets de cette quantification, et des effets qui sont assez facilement replaçables dans une vision de technologie de gouvernement. Bon, là je pense évidemment au concept de gouvernementalité de Foucault, et qui cadre bien avec le mode de gestion néolibéral actuel. Alors, pour prendre juste un exemple de ça rapidement, la façon dont est transformée en ce moment l'université et la recherche en France, un des aspects centraux de cette transformation, c'est la définition d'une catégorie excellence dans la recherche et dans l'enseignement supérieur, et donc la quantification de la qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur, suivant deux modalités, excellence et non-excellence. Et donc on a la production d'un objet statistique, la catégorie excellence, ou plutôt de deux, puisque ceux qui ne sont pas dans l'excellence, c'est de la recherche commune ou médiocre. Et cet acte de quantification, cette phase actuelle, ou pas très loin d'être terminée, de discussion autour de la convention qu'on va choisir pour excellent ou pas excellent, et quelque chose qui va avoir un effet très fort sur le paysage universitaire. Alors là-dedans, il y a de la quantification de façon extrêmement forte, puisque un des aspects centraux dans l'évaluation par l'agence d'évaluation de la recherche et l'enseignement supérieur, c'est le taux de publiant dans les laboratoires de recherche. Et un publiant, c'est un chercheur qui publie un certain nombre fixé d'articles. Pour un mathématicien, je crois que c'est deux tous les deux ans. C'est adapté en fonction des disciplines. Et pas simplement d'articles, mais d'articles dans certaines revues qui, elles aussi, sont classées. Certaines sont excellentes et d'autres ne le sont pas. Donc il y a plusieurs actes de plusieurs conventions, plusieurs constructions de catégories statistiques et plusieurs actes de quantification qui se renforcent les uns les autres. Voilà. Alors bon, on pourrait développer peut-être de la même façon la discussion autour des ECTS, puisque du côté éducation, la quantification se fait principalement dans le système LMD autour de crédit. Le terme crédit est en lui-même intéressant. Et on a un niveau très large, un phénomène de transformation de l'enseignement supérieur à la recherche qui passe aussi par ce phénomène de quantification. Alors, ce qui joue en plus dans l'université et la recherche, c'est un aspect économique à ce phénomène de quantification, qui s'ajoute à la quantification statistique générale. Alors là, je renvoie plutôt à Laval, Vergne, Clément et Dreux, un livre qui est sorti l'an dernier, La nouvelle école capitaliste, dans lequel les auteurs nous disent que le raisonnement quantitatif des économistes, qui privilégie ce qui est facilement comptable, détermine la conclusion théorique et encourage les conséquences pratiques. Donc à partir du moment où il y a une quantification, il y a déjà prédéterminé des conséquences. C'est un peu la même remarque que de Jeunesse tout à l'heure. Voilà, ce qui ne se mesure pas n'existe pas d'un point de vue économique. Ce qui n'est pas quantifié et ou quantifiable, les deux n'étant pas exactement la même chose, est invisibilisé et négligé. Bon, peut-être que je m'arrête là-dessus, du coup. Et la deuxième partie sur la mise en marché de l'enseignement supérieur à la recherche, plutôt pour la discussion, si vous le voulez. Du coup... Alors, Hugo vous a présenté une approche sociologique qui est celle développée par Alain Desrosières, qu'il appelle la sociologie de la quantification. Pour ma part, je vais vous présenter un objet de recherche. Si j'arrive à sortir de son document et à ouvrir le mien, qui est celui-ci. Alors, le benchmarking va être le sujet de mon intervention. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, parmi vous, j'aimerais bien savoir à peu près combien de personnes ont déjà croisé ce terme. Qui parmi vous n'a jamais entendu parler de benchmarking ? Il y en a quand même. 3. Donc les autres ont déjà croisé ce terme, peut-être dans l'article qui a été soumis à lecture ou ailleurs dans... Vous l'avez croisé parce que la séance s'appelle « Benchmarking et politique de quantification » ou... Non ? Vous voulez pas répondre ? Bon, alors, comme Hugo m'y a encouragé, je vais quand même rapidement vous définir ce que c'est que ce truc. Le benchmarking, c'est une méthode managériale qui est très répandue. Là, je vous ai mis en guise d'illustration un extrait du rapport d'une boîte de consultants qui s'appelle Bain & Company, qui recueille pas les opinions, mais qui effectue un sondage auprès de 10 000 entreprises à travers le monde pour établir un classement, un palmarès des outils managériaux les plus utilisés. Et il se trouve qu'en 2009, vous pouvez voir qu'à la tête de ce palmarès figure encore le benchmarking, qui est une technique, je vais le préciser, qui est née au tournant des années 80, donc il connaît une pérennité assez exceptionnelle dans ce monde des gadgets managériaux qui d'habitude connaissent une rotation plus rapide et des effets de mode moins pérennes. Donc c'est une méthode managériale très répandue dans le monde des entreprises qui consiste à identifier les organisations les plus performantes pour un processus, pour une activité donnée, et à se donner cette performance une fois qu'elle est repérée comme cible à atteindre. C'est ce qu'on appelle, une fois qu'on a bien identifié, cerné, chiffré cette performance qu'on souhaite émuler, c'est ce qu'on appelle un benchmark, la cible qu'on se donne, la cible chiffrée qu'on se donne. C'est donc un procédé assez élémentaire. Il n'y a rien de sophistiqué là-dedans, il n'y a rien de très technologique au sens courant du terme. C'est un procédé qui ne fait qu'actualiser un adage qui est souvent repris dans la littérature managériale et dans le texte qui vous a été soumis, selon lequel qui veut s'améliorer doit se mesurer et qui veut être le meilleur doit se comparer. Et donc les entreprises, ce principe de comparaison, les entreprises concurrentielles, elles l'ont toujours pratiqué, elles se sont toujours comparées les unes aux autres. C'est ce qu'on appelait communément avant, donc les années 80, l'analyse compétitive. Le fait d'effectivement de regarder ce que fait le concurrent et d'essayer de faire aussi bien que lui pour être aussi rentable ou profitable. Avec le benchmarking, tel qu'il a été conçu, tel qu'il a été rationalisé, tel qu'il a été codifié et mis en pratique chez Xerox au tournant des années 80, par un ingénieur, vous voyez la photo ici, un ingénieur chargé de la logistique de Xerox à l'époque, qui s'appelait Robert Camp. Eh bien, avec le benchmarking, un déplacement a néanmoins été opéré par rapport à cette traditionnelle analyse compétitive toujours très courante dans le monde des entreprises. Parce qu'avec le benchmarking, il ne s'agit plus seulement de se mesurer par rapport à ses concurrents directs, et en l'occurrence, les concurrents directs de Xerox à l'époque, c'était d'une part Kodak, son compatriote, mais aussi les Japonais qui arrivaient, c'était la déferlante Nippon, ils avaient très peur, c'était notamment Canon qui avait déclaré la guerre à Xerox. Mais aussi, il s'agit avec le benchmarking de se comparer aux meilleurs résultats enregistrés pour un processus donné, quelle que soit l'organisation et le secteur d'activité dans lequel cette organisation exerce. C'est-à-dire qu'on recherche la meilleure performance, où qu'elle soit. Donc par exemple, là en l'occurrence, notre Robert Camp, il était, je vous ai dit, chargé de la logistique. Eh bien, pour améliorer les performances en matière de gestion des stocks, il avait retenu comme benchmark, c'est-à-dire comme modèle, non pas Canon ou Kodak, mais L.L. Bean. Et L.L. Bean, c'est qui? Eh bien, c'était un vendeur par correspondance de vêtements et d'équipements de loisirs. Donc, rien à voir avec le monde des photocopieurs. Alors, ça peut paraître anodin comme ça, ou de bon sens, mais ce faisant, il ne faut pas négliger le déplacement qu'a opéré Camp, et ce faisant, il a inauguré une nouvelle façon d'envisager la concurrence, d'envisager la compétition. Parce qu'il a étendu cette compétition au-delà du simple périmètre marchand. Finalement, n'importe quelle organisation devient un compétiteur potentiel. Il a ainsi engagé Xerox dans ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on trouve dans leurs archives, ce que le PDG notamment, c'est l'expression que le PDG aimait employer, il a engagé Xerox dans une course sans ligne d'arrivée, dans une quête sans fin vers la performance la meilleure. Parce que tout simplement, il y a toujours des organisations qui font mieux quelque chose que vous. Si bien que la pratique du benchmarking, elle est là pour vous soumettre sans arrêt à une pression, sans relâche, pour vous évaluer en permanence et pour vous pousser à être le meilleur. Donc c'est pas la même logique que la logique de l'homme moyen de Quetelet, où on recherche effectivement la norme au sens de moyenne. Ici, on recherche à être le meilleur, à atteindre toujours les performances enregistrées les plus élevées possibles. D'où l'idée aussi, d'où la rationalisation de cette pratique du benchmarking comme un cycle sans fin. C'est-à-dire le benchmarking, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes pour se positionner, c'est une discipline. C'est une façon de régler sa conduite en permanence sur le meilleur. Or, le meilleur, autrement dit le benchmark, c'est une cible fugitive. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours une organisation qui se présentera avec un meilleur résultat que celle qui était en tête jusqu'alors. Autrement dit, le benchmarking exerce, c'est ce que j'ai développé dans l'article qui vous a été distribué, exerce une discipline indéfinie. C'est en ces termes, qui sont évidemment repris à Foucault, que je l'explique dans l'article, ou plus prosaïquement, donc je n'y reviens pas ici, plus prosaïquement, on pourrait faire le parallèle avec la fameuse carotte qu'on tend à l'âne pour le faire avancer. Le benchmark, c'est un peu ça. C'est quelque chose qu'on n'atteint jamais, en fait. On n'est jamais le meilleur une fois pour toutes. C'est toujours une tension vers quelque chose. C'est en cela que le benchmarking est une méthode incitative qui pousse à faire des choses. Et en cela, c'est une technologie de gouvernement. C'est quelque chose qui cherche à canaliser, à encadrer vos conduites pour vous pousser vers quelque chose, et en l'occurrence, vers les meilleures performances enregistrées, non pas sur un simple marché, le marché d'un produit, mais enregistrées à travers le monde et à travers les différents secteurs d'organisation. Alors, je pourrais passer des heures à vous raconter la belle success story du benchmarking, du Japon à l'Union européenne, en passant par Xerox ou encore par l'OCDE. Je vais juste vous proposer très rapidement un rapide survol pour vous convaincre de la prolifération de cette technologie. En fait, j'ai choisi un panachage de titres repris dans une revue qui est consacrée au benchmarking, qui s'appelle Benchmarking and International Journal. Et là, qui vous présente les différents secteurs dans lesquels le benchmarking a pu apparaître. Donc, il y avait les secteurs au début classiques du monde industriel ou de l'industrie des services. Et puis là, on trouve des organisations de recherche et développement, évidemment les services de santé et les universités, qui, après le secteur industriel et le secteur des services, il faut savoir que l'éducation et la santé sont les premiers secteurs qui ont été investis par ces pratiques managériales. Pas par hasard, on y reviendra, hein, c'est sous l'effet vraiment d'un travail de diffusion dans ces secteurs-là, avec des personnes qu'on peut identifier qui ont fait passerelle entre ces différents mondes, notamment le PDG de Xerox dont je viens de parler, qui en fait était le secrétaire d'État de Reagan à l'éducation, donc le lien est assez facile à établir. Là, j'ai également panaché des titres pour vous présenter les pays dans lesquels on peut retrouver le benchmarking. Ça s'est étendu des États-Unis aux pays du Commonwealth, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni. Ça attend ensuite les pays européens d'Europe continentale, Italie, Allemagne, Slovénie, évidemment la France qui au départ, comme vous le voyez dans le titre, était rétive, s'est vite pliée à la discipline du benchmarking. Ça concerne également les pays hors OCDE tels que l'Inde ou le Kenya. Et ça concerne des objets très divers, des laboratoires pharmaceutiques, des technologies d'innovation, des organisations à but humanitaire, les écoles aux États-Unis. On a même fait un benchmarking de la campagne présidentielle, l'élection présidentielle de Barack Obama, benchmarking des thèses, vous ne serez pas épargnés. Et le compte du benchmarking, c'est le benchmarking des modèles de benchmarking. Celui-là, je l'adore. C'est un article scientifique sérieux. Voilà. Donc rapidement, ça c'était pour vous convaincre, mais bon, on pourrait évidemment argumenter, de la prolifération à la fois géographique et sectorielle de cette technique managériale. Mais en fait, je voulais saisir l'opportunité de ce séminaire sur les pensées critiques contemporaines pour réfléchir avec vous au sens, c'est-à-dire non seulement à la signification, mais aussi à l'orientation, au sens d'une pensée critique qui prend pour objet un gadget managérial comme le benchmarking. Pourquoi je dénigre ainsi un objet de recherche sur lequel j'ai travaillé depuis maintenant plus de 10 ans? Eh bien parce que c'est bien ainsi, c'est bien comme un gadget que le benchmarking se donnait à voir quand j'ai commencé à travailler dessus. Et à l'époque, autour des années 2000, après les années 2000, il consacrait une thèse, ça suscitait beaucoup de perplexité, voire des railleries. On considérait que ce truc en ING, c'était considéré comme une mode managériale qui était vouée à disparaître l'année suivante et qui ne présentait surtout aucun intérêt sociologique. Je veux dire, il n'y avait pas de quoi en faire une thèse en sciences politiques et en sciences sociales en général. D'ailleurs, il a vraiment fallu que je fasse un gros travail d'explicitation pour essayer de justifier et de formuler l'intérêt de prendre le benchmarking au sérieux, justement, d'essayer de voir quel était le type de pouvoir que cette technique managériale exerçait, quelle était sa rationalité sous-jacente, quelle était sa finalité, d'où ça venait et pourquoi est-ce que ça apparaissait aussi évident, efficace et universel. Donc ce que je veux vous dire par là, comme il y a beaucoup d'étudiants parmi vous, c'est que le benchmarking, ce n'était pas un objet de recherche tout prêt. Ça ne s'est pas donné à étudier comme ça. Il a fallu le construire comme tous les objets de recherche, mais ça je suppose que c'est évident pour vous. Et avec Hugo, notamment, on souhaitait avec cette séance attirer votre attention sur des objets de recherche en sciences sociales qui ne se donnent pas comme tels, a priori, et qui paraissent assez ingrats, mais qui présentent un grand intérêt intellectuel, mais aussi politique. Donc ce que vous a présenté Hugo tout à l'heure, qui a trait aux indicateurs statistiques, aux chiffres, à la quantification, à la mesure, a priori, lorsqu'on est sociologue, et en plus, lorsqu'on n'est pas quantitativiste, et qu'on n'est pas très matheux, on se dit que ce n'est pas pour nous. Or, on peut très bien travailler sur la quantification sans jamais avoir fait de stats. Et tout comme on peut s'intéresser à des technologies, des techniques managériales, à des savoirs manageriaux, sans avoir fait non plus d'études de commerce. Alors ce sont notamment sur ces objets, à mon avis, que la pensée critique doit travailler. Alors qu'est-ce que cela veut dire de prendre les pratiques de quantification, ou en l'occurrence les pratiques de benchmarking, comme objet d'une pensée critique? Pourquoi le faire? Pour quelles raisons? Et pourquoi, c'est-à-dire à quelle fin, et surtout comment le faire, avec quels outils d'analyse, avec quels concepts, constituer un objet, un truc comme le benchmarking en objet d'une pensée critique qui fait sens. Donc Hugo vous a présenté les enjeux politiques de la quantification en lien avec les enjeux des réformes concernant l'enseignement supérieur et la recherche. Je vais quant à moi essayer de vous présenter aussi rapidement que possible l'intérêt intellectuel, social et politique de constituer le benchmarking comme objet d'une pensée critique. Je prends donc le benchmarking comme un exemple que je connais bien, mais dans le même registre managérial et aussi en lien avec l'enseignement supérieur et la recherche, comme l'a déjà dit Hugo, on aurait pu prendre, ou je vous encourage à prendre, les discours sur l'excellence, effectivement, c'est l'exemple que tu as donné dans le monde universitaire, mais il y a aussi les démarches qualité qui sont en train de se diffuser dans tous les secteurs publics et qui viennent là aussi du monde industriel, pour faire vite, ou encore il y a les politiques d'autonomie. Il y a ce fameux mot d'autonomie qui a quand même connu une trajectoire dont il faudrait faire justement la généalogie. Généalogie, on va en parler. Or, pour construire le benchmarking comme objet d'une pensée critique, il se trouve que j'ai eu recours à la fameuse boîte à outils foucauldienne, dont vous avez eu un aperçu dans le texte pour ceux qui ont jeté un œil, avec notamment les concepts de discipline indéfinie que j'ai rapidement évoqué, de technologie de gouvernement ou encore de gouvernementalité néolibérale. Alors, si j'ai utilisé cette boîte à outils, entre autres, parce que j'ai également suivi l'approche développée par Alain Desrosières en sociologie de la quantification, je tiens néanmoins à préciser que je ne suis absolument pas une spécialiste de Foucault pour autant, et je suis un simple usager de cette boîte à outils, et que je n'ai pas pris le benchmarking comme objet de recherche, à l'inverse, pour faire du Foucault. Je suis arrivée à Foucault parce que, effectivement, on me l'a mis entre les mains et qu'il se trouve que ça a éclairé des intuitions, ça me permettait de formuler, de mettre en mots ce qui n'était que des intuitions et pour lesquelles je n'avais pas de concept pour les exprimer. Alors, comme je suis ni philosophe ni artiste, je n'ai pas le talent pour créer des concepts, et donc j'attire aussi votre attention là-dessus, sur l'importance de mettre le nez dans des bouquins de philo ou dans des expos d'art contemporain pour justement essayer de trouver des outils pour conceptualiser et problématiser les recherches en sciences sociales. Je le précise parce que c'est peut-être tout à fait contestable, peut-être je ne devrais pas le dire avec un micro sous le nez, mais j'ai l'impression que de plus en plus, ou en tout cas, c'est peut-être un biais de ma part, mais qu'il y a quand même il y a eu une montée en force de l'empirie et de l'importance du terrain et des travaux empiriques au détriment du travail conceptuel derrière, et qu'il y a eu parfois, on a un peu délaissé la philosophie, ou cloisonné en tout cas les sciences sociales en écartant la philo et l'art, évidemment, ce qui est dommage. Bon, voilà. Donc n'oubliez pas ceux qui fabriquent des concepts et qui sont nos amis. Donc voilà pourquoi cette expression, alors quelque peu galvaudée aujourd'hui, quand on dit on utilise la boîte à outils de Foucault, ça veut tout dire et rien dire, donc j'aimerais juste vous en dire deux mots. Parce qu'aux yeux de Foucault, produire un concept, ce n'est pas un acte esthétique. Il n'invente pas des néologismes comme gouvernementalité pour faire joli. Ce ne sont pas non plus des œuvres d'art à placer sous cloche, ni des textes sacrés dont il faudrait se contenter de faire l'exégèse. Les concepts sont faits pour être utilisés, pour penser, d'où leur plasticité, d'où leur évolution, d'où le fait qu'effectivement il y a des controverses parce que suivant le texte que vous ouvrez, eh bien, gouvernementalité n'aura pas tout à fait le même sens et c'est gênant. Alors les concepts sont faits pour être utilisés, ils ne valent, d'après Foucault, que s'ils sont utiles à la compréhension, utiles à la critique, surtout utiles à l'action. Je le cite, j'aurais dû mettre la citation, mais tant pis. Donc j'ouvre les guillemets, « Tous mes livres sont de petites boîtes à outils, si les gens veulent bien les ouvrir, se servir de telle phrase, telle idée, telle analyse, comme d'un tournevis ou d'un dessert-boulon pour court-circuiter, disqualifier, casser les systèmes de pouvoir, y compris éventuellement ceux-là même dont mes livres sont issus, eh bien c'est tant mieux. » Et l'expression de boîte à outils semble être en fait de Gilles Deleuze, c'est dans un entretien avec Foucault en 72 qu'il définissait la théorie en ces termes, Gilles Deleuze, j'ouvre les guillemets, « C'est ça une théorie, c'est exactement comme une boîte à outils, il faut que ça serve, il faut que ça fonctionne, et pas pour soi-même. S'il n'y a pas des gens qui s'en servent, à commencer par le théoricien lui-même, qui cesse alors d'être un théoricien, c'est qu'elle ne vaut rien ou que le moment n'est pas venu. » Donc pour Deleuze, comme pour Foucault, vous le saviez sans doute déjà, le rôle d'une théorie n'est pas de fournir un cadre englobant, figé, monolithique, à la manière d'une idéologie au sens marxiste, et enfin là je crois que je mets les pieds, c'est peut-être tout à fait contestable ce parallèle. Une théorie, en tout cas, ça ne doit pas former un bloc monolithique, elle doit au contraire être en morceaux, pour reprendre l'expression de Deleuze, et il faut que ces morceaux de théorie fonctionnent avec des morceaux de lutte ou de pratique militante. Il n'y a pas d'un côté la théorie et de l'autre la pratique, mais la pratique dans les sociétés modernes est largement informée de réflexions, d'outils intellectuels, de résultats scientifiques. Et bien évidemment, la pratique militante ne fait pas exception. les résistances politiques, les mouvements sociaux ont besoin d'outils conceptuels, ils ont besoin de ces concepts nouveaux pour, eh bien, pour bâtir leur critique, pour expliciter des situations, pour ouvrir le champ des possibles, pour produire des contre-savoirs, pour informer des contre-conduites, etc. Et je pense que, ou en tout cas, c'est en cela que je trouve le séminaire intéressant, puisqu'il m'a semblé que l'objet du séminaire, c'était justement d'essayer d'articuler le développement de pensée critique avec le développement des mouvements sociaux au niveau international. Dans un entretien avec Didier Ribon, paru dans Libération, en fin mai 81, donc c'était en contexte de la victoire de l'alternance et de l'arrivée au pouvoir des socialistes, du PS en tout cas, sous le titre « Est-il donc important de penser ?», Foucault est interrogé par Ribon sur les résultats des élections, sur l'alternance avec l'arrivée donc du PS et sur son rôle d'intellectuel de gauche dans ce nouveau contexte. Et Ribon demande à Foucault, après Michel Foucault critique, est-ce que l'on va voir le Michel Foucault réformiste ? C'était tout de même un reproche souvent adressé. La critique menée par les intellectuels ne débouche sur rien. Et Foucault lui répond ceci, je vais vous lire sa réponse car elle me semble vraiment pertinente dans le cadre de ce séminaire. Elle est un peu longue, mais elle me semble intéressante. Je l'ai découverte récemment. J'ouvre les guillemets. Je répondrai d'abord sur le point du « ça n'a rien donné ». Il y a des centaines et des milliers de gens qui ont travaillé à l'émergence d'un certain nombre de problèmes qui sont aujourd'hui effectivement posés. Dire que cela n'a rien donné est tout à fait faux. Est-ce que vous pensez qu'il y a 20 ans, on posait les problèmes du rapport entre la maladie mentale et la normalité psychologique, le problème de la prison, le problème du pouvoir médical, le problème du rapport entre les sexes, etc., comme on les pose aujourd'hui? D'autre part, il n'y a pas de réformes en soi. Les réformes ne se produisent pas en l'air, indépendamment de ceux qui les font. On ne peut pas tenir compte de ceux qui auront à gérer cette transformation. On ne peut pas ne pas tenir compte, excusez-moi, de ceux qui auront à gérer cette transformation. Et puis surtout, je ne crois pas que l'on puisse opposer critique et transformation, la critique idéale et la transformation réelle. Une critique ne consiste pas à dire que les choses ne sont pas bien comme elles sont, elle consiste à voir sur quel type d'évidence, de familiarité, de mode de pensée acquis et non réfléchi reposent les pratiques que l'on accepte. Il faut s'affranchir de la sacralisation du social comme seule instance du réel et cesser de considérer comme du vent cette chose essentielle dans la vie humaine et dans les rapports humains, je veux dire la pensée. La pensée, ça existe, bien au-delà, bien en deçà des systèmes et des édifices de discours. C'est quelque chose qui se cache souvent, mais anime toujours les comportements quotidiens. Il y a toujours un peu de pensée, même dans les institutions les plus sottes. Il y a toujours de la pensée, même dans les habitudes muettes. La critique consiste à débusquer cette pensée et à essayer de la changer. Montrer que les choses ne sont pas aussi évidentes qu'on croit, faire en sorte que ce qu'on accepte comme allant de soi n'aille plus de soi, faire la critique, c'est rendre difficile les gestes trop faciles. Dans ces conditions, la critique, et la critique radicale, est absolument indispensable pour toute transformation, car une transformation qui resterait dans le même mode de pensée, une transformation qui ne serait qu'une certaine manière de mieux ajuster la même pensée à la réalité des choses, ne serait qu'une transformation superficielle. Et plus loin, à la fin de l'interview, Ribon l'interroge sur son optimisme apparent, qui sera en contraste avec une réputation de pessimiste, ce qui amène Foucault à préciser en quoi il est optimiste. Je m'arrêterai là avec les citations. Il y a un optimisme qui consiste à dire « de toute façon, ça ne pouvait pas être mieux ». Mon optimisme consisterait plutôt à dire « tant de choses peuvent être changées, fragiles comme elles sont, liées à plus de contingences que de nécessités, à plus d'arbitraire que d'évidence, à plus de contingences historiques complexes mais passagères qu'à des constantes anthropologiques inévitables ». C'est exactement ce qui peut motiver recherches, une recherche en l'occurrence sur le benchmarking, c'est-à-dire d'essayer de restituer à ce type de technologie managériale qui apparaissent avec tous les atours du bon sens et de la nécessité, essayer de leur restituer leur contingence pour rompre avec une vision dominante qui les présente avec comme étant politiquement neutres, comme étant des techniques universelles et surtout comme étant des techniques incontournable, quelle que soit l'activité et la finalité de l'organisation concernée. En l'occurrence, c'est exactement ce qui s'est produit avec le benchmarking, qui a été rationalisé, présenté, diffusé, promu comme une technique, donc sous-entendu politiquement neutre, en plus une technique qui faisait appel à des chiffres, avec évidemment également toute l'autorité, la magistrature des statistiques, et qui s'est imposé dans le monde industriel, mais aussi dans l'hôpital public, dans l'école, dans les associations humanitaires, et encore dans les églises et dans l'armée, aux États-Unis notamment. Là, c'est un extrait d'un rapport de la table ronde des industriels européens qui fait partie de ces acteurs qu'on peut identifier, qui ont promu activement le benchmarking, en l'occurrence auprès des décideurs européens et nationaux. C'est juste, ça c'est la quatrième de couverture en dessous, là, qui est présentée. Et ils insistaient beaucoup, dans la petite brochure, on voit sans arrêt des parallèles entre monde industriel et pays, c'est-à-dire que le benchmarking, c'est utile pour la compétitivité d'une entreprise, comme les entreprises membres de cette table ronde, mais c'est donc aussi utile pour la compétitivité des pays que les dirigeants qui assistaient à cette conférence gouvernaient. Et ils insistent toujours beaucoup sur l'idée que c'est un principe élémentaire de bon sens et surtout qu'il est politiquement neutre, qu'il est neutre en termes de politique publique. Et c'est d'ailleurs une technique qui s'est diffusée dans un contexte politique alors dominé par des gouvernements de centre-gauche, partout, dans 11 pays sur 15 à l'époque, lorsque ça s'est diffusé. Donc pour faire ce travail de dénaturalisation du benchmarking, pour mettre en évidence sa dimension éminemment politique, mais au sens fort du terme, pas au sens partisan, au sens fort, j'ai conduit une enquête généalogique. Il est possible en tout cas de procéder ainsi. C'est-à-dire que lorsqu'on entend par généalogie, au sens justement, en reprenant l'expression, le terme à Michel Foucault, lorsqu'on cherche à retracer la généalogie de quelque chose, c'est-à-dire pas son histoire, pas sa genèse, mais sa généalogie, c'est qu'on essaye d'historiciser des objets qui appartiennent au présent, mais qui semblent intemporels, qui semblent surtout nécessaires et indiscutables. Donc faire la généalogie de quelque chose, c'est jeter sur quelque chose qui apparaît donné, sur des faits, sur des boîtes noires, comme on dit beaucoup aujourd'hui, c'est jeter sur ces boîtes noires une lumière qui les rende un peu moins familières, un peu moins naturelles, un peu moins évidentes, plus problématiques. Et en montrant comment de tels objets ont été formés et rationalisés, comment ils ont été choisis et ont de ce fait écarté d'autres options possibles, comment ils ont écarté aussi d'autres façons de voir, d'autres façons de faire, il me semble qu'on peut redonner prise à la critique. En tout cas, on réouvre le champ des possibles et on réactive le politique contre le nécessaire. Faire la généalogie du benchmarking, en l'occurrence, eh bien, c'est essayer de dégager les conditions de possibilité, c'est essayer d'étudier tout le travail de rationalisation, tous les efforts de dissémination entrepris pour le diffuser à travers le monde et les secteurs, mais aussi essayer de repérer les résistances qui ont échoué et quelles étaient leur rationalité sous-jacente. Au lieu de s'en tenir au récit des origines qui est véhiculé très largement dans la littérature du management et qui est repris un peu partout, suivant lequel tout se passe comme si le benchmarking avait proliféré donc à travers le monde et dans tous les secteurs grâce à son efficacité intrinsèque, à son universalité qui s'imposerait d'elle-même partout. Et c'est cette belle success story qui met en scène souvent la figure anhistorique de Robert Camp comme l'inventeur avec son invention, le benchmarking dans les années 80, bien qu'il faut essayer, à travers une généalogie, de revisiter et de repolitiser. Une généalogie, ça doit essayer de dégager, me semble-t-il, les ressorts micropolitiques de ces petites histoires qui apparaissent apparemment sans intérêt, anodines et bonnes qu'à être placées en encadré dans des manuels de management. Non seulement faut essayer de dégager les rapports de force et les enjeux de pouvoir qui sous-tendent, enfin moi j'ai essayé de dégager ça dans le cadre de Xerox au moment de la formation du benchmarking et on pourra y revenir en détail si vous voulez. Mais parce que ça, évidemment que sous-jacent à l'apparition du benchmarking, il y avait d'énormes enjeux en termes de licenciements massifs. Il fallait court-circuiter les négociations avec les syndicats en imposant des cibles chiffrées qui ne prêtent pas lieu à négociation. Ça servait à ça, ce qu'on appelle le management by facts. On manage en montrant, en apportant des preuves, en montrant des faits chiffrés. Donc on ne peut plus discuter en face. C'est ça ou la porte. Et notamment, c'est ça où la porte. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des chiffres choisis discrétionnairement par le patron. Ce n'est pas le chef de service qui dit « vous devez faire 100 pièces alors que vous en faisiez 50 ». On vous dit que l'entreprise ou que l'organisation X, à côté, elle le fait. Donc pourquoi par vous ? Si vous ne le faites pas, vous changez de service ou vous prenez la porte. C'est que vous êtes incapable, puisqu'on le fait ailleurs. Preuve à l'appui, on vous le montre. On vous emmène même visiter l'usine où ça se pratique et où ils arrivent à le faire. Ça, ça, donc ça servait, qui a servi à ça. Donc c'est essayer donc de pointer les rapports de force et les enjeux de pouvoir qui sous-tendent l'émergence du benchmarking chez Xerox. C'est aussi montrer en quoi ça a alimenté les principes d'une ingénierie sociale qui organise, donc c'est ça qui est politique, une ingénierie sociale qui organise un collectif de travail, là c'est dans le cadre d'une entreprise, en le soumettant à l'exigence d'être toujours le meilleur des meilleurs. Et ça, c'est une tension qui est humainement assez difficile à vivre, et c'est difficile aussi de s'y soustraire. C'est une tension qu'on retrouve présente dans les différents secteurs aujourd'hui placés en train d'être réformés, et ça, il y a des liens à établir avec la montée en puissance et la multiplication des accidents du travail, des dépressions, des sentiments de pression au travail. Voilà. Donc, je ne sais pas non plus quel est le statut des textes que vous distribuez, mais celui qui était, je crois, intitulé, il y avait le terme généalogie dans le titre, je l'avais écrit en 2008. Depuis, j'ai approfondi l'enquête généalogique en dépouillant donc des archives chez Xerox. Et ça aussi, si je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller faire les archives de Xerox, c'est aussi parce que dans le travail généalogique que promeut et qu'a développé Michel Foucault, c'est pas du tout un travail généalogique à la Foucault, hein, mais il insiste beaucoup sur l'idée que la généalogie est grise. Et il n'y a rien de plus gris que les archives d'entreprise, je peux vous l'assurer. Donc aller mettre le nez un peu dans ces documents d'une multinationale aux États-Unis dans un bled complet, c'était notamment découvrir qu'il y avait des cartons et des cartons et des cartons de brochures, de documents, de codes, de bonne conduite, de slides, de brochures de formation. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail énorme pour essayer de mettre en route cette pratique, pour que les employés en fassent l'apprentissage, pour que ça devienne des réflexes. Donc on s'aperçoit effectivement que c'était pas une simple bonne idée qui s'est imposée comme ça, mais ça a pris des années avec des systèmes de formation sous forme de cascades bien mises au point. Ça a mobilisé des troupes pour justement embrigader non seulement une entreprise, mais c'est une multinationale, donc c'était des filiales entières à travers le monde. Ils ont tout codifié pour ça, parce que partout, dans tous les Xerox nationaux, il fallait pratiquer ça de la même manière, etc. Donc c'est intéressant effectivement de se dire oui, c'est pas arrivé comme ça, il y a eu un énorme travail derrière. Et puis ce qui était fou quand même, c'est de retrouver les mêmes réflexes, les mêmes logiques, les mêmes mots, les mêmes raisonnements que dans la précédente littérature que j'avais eu à dépouiller, qui était celle issue de l'Union européenne. Les analogies sont assez frappantes de ce point de vue-là. Et puis, donc, pour mener cette généalogie, j'ai aussi mené une série d'entretiens avec le fameux inventeur, soi-disant, qui est Robert Camp, qui me permettait un peu de resituer le personnage par rapport à la légende qu'on lui associe. Et ce travail généalogique, donc, ça m'a permis de mieux cerner le type de pouvoir exercé par le benchmarking et plus généralement par les technologies de gouvernement managérial. Et ça, on pourra effectivement y revenir. Voilà, donc auparavant, et plutôt pour ouvrir la discussion avec vous, j'aimerais aussi envisager les modes d'articulation possibles entre une telle recherche qui prétend donc constituer le benchmarking en objet d'une pensée critique et les mouvements sociaux. Alors, ça aussi, je ne sais pas si je devrais le dire avec un micro sous le nez, mais je dois vous avouer que j'ai toujours envisagé les activités de recherche en sciences sociales comme une forme d'engagement politique. Là aussi, quand je dis une forme d'engagement politique, c'est au sens fort du terme politique, c'est pas au sens partisan. C'est une forme d'engagement politique qu'il faut coupler en tant que chercheur avec d'autres formes d'engagement syndical, associatif, partisan, tout ce que vous voulez. En vous disant cela, je ne vise pas à promouvoir une professionnalisation de la dimension politique du travail de recherche, mais plutôt à vous inciter à reconnaître la dimension éminemment politique de l'activité professionnelle des chercheurs, notamment en sciences sociales. Et ça n'a rien de très original et de très nouveau, sans doute pour la plupart d'entre vous, mais je voulais le réaffirmer. Car en produisant des savoirs sur la société, le fait est que les chercheurs, vous chercheurs, on agit forcément sur elle. Bon, il ne faut pas le négliger. Euh, Et il est évident que les effets de savoir que nos travaux produisent ne sont jamais neutres. Le savant a toujours été très politique, et ça, je n'entrerai pas ici sur la discussion relative à la neutralité axiologique qu'on attache à Weber, avec tous les contresens que cette notion a véhiculé, a suscité en France. Pour ceux que ça intéresse et qui ne connaîtraient pas ce travail, je vous renvoie aux leçons weberiennes sur la science et la propagande d'Isabelle Kalinowski, et notamment à sa traduction du texte de Weber, La science, profession et vocation, donc où elle rétablit bien le sens que Weber plaçait sous ce terme de neutralité axiologique. Donc, suivant la manière dont le chercheur, dont vous, chercheur, vous construisez en sciences sociales vos objets de recherche, dont vous les problématisez, dont vous restituez les résultats, eh bien, ils peuvent plus ou moins, vous pouvez plus ou moins orienter les effets de savoir et les effets de pouvoir que vos recherches produisent. Et notamment par un effort de popularisation ou de vulgarisation, si vous préférez. Eh bien, un chercheur peut nourrir les débats publics, il peut armer les critiques de l'ordre établi, il peut peser modestement, évidemment, mais il peut un peu peser dans les réflexions collectives sur les projets de société souhaitables ou à envisager. Et, je ne vais peut-être pas le dire avec le micro. voilà. Et notamment, une autre façon aussi d'utiliser ces travaux de recherche, enfin d'essayer de les articuler aux mouvements sociaux, c'est notamment de démultiplier les liens entre le monde de la recherche, le monde universitaire, et celui des artistes, et celui des militants. Multiplier les liens avec ces autres mondes, c'est en essayant de créer des lieux de rencontres, des lieux de travail en commun. Ces lieux, ça peut être à l'occasion de colloques, de conférences, de journées d'études, mais ça peut être aussi à l'occasion de publications et même de travaux de recherche. Comme je disais tout à l'heure, les artistes, comme les philosophes, ils produisent des concepts, et ça peut être parfois assez intéressant de les mobiliser dans certains travaux de recherche. Et inversement, souvent les artistes contemporains utilisent et sont très connaissent bien la recherche en sciences sociales qui nourrissent leur travail. Et également, vous pouvez également essayer de mobiliser ou de créer des lieux de rencontre avec les militants à l'occasion de journées d'études qui mêlent indifféremment universitaires, militants et artistes. Donc en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est de ne pas ghettoiser les chercheurs et de ne pas systématiquement se replier dans des lieux purement universitaires. En l'occurrence, je voulais vous signaler l'organisation de, alors ça c'est un peu grandiloquent, d'une conférence internationale sur l'usage des nombres comme outil d'émancipation, cet activisme. C'est en fait une conférence qui clôt un travail de recherche collective sur le benchmarking, justement. Et dans ce travail de recherche collective, il était prévu qu'on travaille sur les résistances. Et pour justement essayer de susciter des échanges entre monde militant et monde universitaire et artistique, on a essayé d'organiser une journée qui mêle effectivement à chaque fois autour de tables rondes et de thèmes, qui sont police et champs stick, comment ruser avec la politique du chiffre, qui sont les thèmes de la catégorie des intellectuels précaires, la catégorie statistique notamment, ou encore les nouveaux indicateurs pour décrire et lutter les inégalités. Contre les inégalités, excusez-moi. On a à chaque fois autour de ces tables rondes essayé de placer d'une part des universitaires, mais aussi des artistes et des militants. C'est une expérience. Il me semble aussi que organiser à l'EHESS un séminaire sur les pensées critiques contemporaines, ça s'inscrit un peu dans ce prolongement-là, et que peut-être l'année prochaine, ça pourrait être un séminaire ouvert aux militants et aux artistes. Il est ouvert. Merci. Merci Gabriel. Bon, on a trois quarts d'heure à peu près pour la discussion, donc c'est à vous de prendre la parole. Poser des questions. Intervenir sur des points précis. Sur ces questions de quantification et de benchmarking à l'université, là, en l'occurrence pour cette séance. Donc peut-être une question sur ta dernière intervention, qui nous a un peu appâté avec ton travail de terrain chez Mr. Kang. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a appris? Qu'est-ce qui t'a raconté? Qu'est-ce que tu as découvert? Comment ça a émergé? Voilà, quel est un peu le... Vous avez quelques bribes de t'as été à l'origine, voilà, tout ça. Eh bien, comme je l'ai dit, d'une part, il y a les archives qui, par leur matérialité même, qui sont très encombrantes, toutes ces archives là-dessus, même ont permis de bien d'essayer de retracer plus finement ce travail de rationalisation, c'est-à-dire comment le benchmarking a été pensé, comment est-ce qu'on l'a actualisé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a fait en sorte de mettre en pratique ce principe de tension vers pour être le meilleur des meilleurs, d'une part. D'autre part, ça a confirmé ou ça a bien acté l'inscription du benchmarking. Donc j'ai commencé à l'étudier dans le cadre en fait de la stratégie Lisbonne au niveau européen. C'est-à-dire, j'ai commencé par étudier le benchmarking comme une technique de coordination intergouvernementale. C'est-à-dire comme une technique qui était utilisée pour coordonner des États membres entre eux, justement en les amenant à se comparer les uns les autres et à faire en sorte d'être aussi bons, sinon meilleurs que leurs voisins, leurs pays voisins. Et donc j'ai commencé à étudier le benchmarking en utilisant l'approche de sociologie de la quantification parce que les outils utilisés, le matériel pour faire ce benchmarking, c'était des statistiques nationales comparables. Donc il y avait tout le travail de construction de statistiques comparables qui est un gros enjeu au niveau européen. Et c'est au niveau d'une entreprise et dans le monde industriel, il y a toujours l'enjeu statistique, mais cet enjeu statistique, ce qui est intéressant et ce qui est un peu paradoxal, c'est que ces enjeux de quantification, ces enjeux politiques ou organisationnels de la quantification s'inscrivent dans ce qu'on appelle le management de la qualité. Et en fait, toutes ces techniques-là qui utilisent abondamment les chiffres et qui posent donc toutes ces questions de construction de chiffres, de mesures, de ce que c'est de convenir, des performances qu'on veut mesurer, ensuite de les quantifier, etc. En fait, c'est ce qu'on appelle la qualité dans l'entreprise. Donc la qualité, c'est éminemment quelque chose de quantitatif. Et en l'occurrence, chez Xerox, il se trouve que le benchmarking, c'était un des piliers avec la participation des ouvriers, enfin ce qu'on appelle tout ce qui est lié à l'empowerment, la responsabilisation des ouvriers, l'engagement des ouvriers dans le management. Il y avait deux piliers de benchmarking et ça, c'était dans le cadre d'une grande stratégie qui était leadership à travers la qualité. Voilà. Donc ça, c'est un grand programme qui durait toujours et c'est cette articulation entre le benchmarking et ces efforts, ces politiques de la qualité qui est intéressant aujourd'hui pour revenir dans le monde universitaire parce que, effectivement, comme ça m'a, à force de croiser ce terme de qualité, j'ai un peu creusé la chose du côté managérial, industriel, et c'est très intéressant, là il y a des travaux, hein, je me suis appuyée sur des sources secondaires pour le coup, il y a des travaux sur des auteurs comme Deming et autres, des gourous de la qualité, comme on les appelle en management. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans le monde universitaire, en France, c'est en train d'arriver aussi en force ces dispositifs-là, qui comportent le benchmarking, mais qui comportent aussi tout ce qui est normalisation, normes ISO 9001, par exemple, vous voyez, les certifications. Ça, c'est en lien direct avec le processus de Bologne. Donc là, il y a des liens à établir pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre la cohérence du dispositif sur lequel je suis en train de travailler, mais qui n'était pas aussi évident que ça avant. Sur ce retour, alors chez Xerox, ce que j'ai appris également, c'est cette question du management par le fait, de l'evidence-based management, cette idée, effectivement, ces techniques de pouvoir qui cherchent à contourner le conflit. Le PDG, il a une phrase merveilleuse, il dit « silencing the disbelievers », faire taire les incrédules. Lui, le benchmarking, ça sert à ça. C'est-à-dire, c'est pour tous ceux qui, les syndicalistes, qui à l'époque avaient quand même un certain pouvoir dans l'entreprise Xerox, qui effectivement mettaient en cause, discutaient certains objectifs, expliquaient non, ça on ne peut pas le faire, on ne peut pas atteindre tout ça, c'est ce qu'il appelle les incrédules. Il fallait les faire taire en leur apportant la preuve qu'on pouvait faire mieux et que les autres faisaient mieux. Et donc tout ce travail d'aller chercher dans d'autres organisations et pas seulement des entreprises concurrentes, des preuves qu'on peut avoir de meilleures performances pour un processus donné, donc là je vous ai donné l'exemple de la gestion des stocks, mais c'est pas que des processus productifs, c'est n'importe quel processus, quoi. La production d'un rapport pour le monde de la recherche ou pour nos chercheurs, ça peut parfaitement s'appliquer à nos activités professionnelles. Hein. C'est les processus, c'est au sens toute activité, toute petite activité peut être soumise au benchmarking. Et ça, cette idée de ce pouvoir qui cherche justement à contourner le conflit et à s'imposer justement par soit par la magistrature du chiffre, soit par l'évidence des preuves, avec ce mot en anglais qui est le même qui est evidence, j'ai trouvé ça assez intéressant pour essayer de mieux comprendre le type de pouvoir incitatif qu'on observe dans le cadre de la gouvernementalité néolibérale. Parce que c'est déjà un aspect qui était très intéressant au niveau européen, c'est qu'évidemment les États membres soumis au benchmarking au niveau européen ne sont contraints en rien, il n'y a aucune contrainte légale à suivre les recommandations émises au niveau européen. C'est pas dans le cadre, il n'y a pas de droit communautaire qui les oblige ou qui les menace d'une sanction pécuniaire, financière. C'est vraiment, ça s'appuie sur la bonne volonté des gouvernants. Et il était difficile de comprendre ou d'élucider cette énigme selon laquelle les gouvernants se plier à des recommandations et à des directives, pas des directives justement, parce que les directives, il y a la connotation juridique, mais des recommandations européennes alors qu'il n'est absolument pas obligé. Et c'est encore ce qu'on observe aujourd'hui. Donc pour comprendre, c'est quoi cette force qui de fait pousse les acteurs à adopter une certaine conduite et en l'occurrence à adopter certaines politiques publiques alors qu'il n'y a aucun moyen de pression matérielle, physique, etc. C'était intéressant de voir comment dans le cadre de comment le management, comment le savoir managérial avait équipé voilà, ce type de pouvoir pour qu'il s'exerce. Le matchmarking fait partie de ces outils. Mais évidemment, ça a replacé après, c'est intéressant de voir parce que c'est en soi, ce type de pouvoir incitatif, c'est pas non plus. C'est la date de Xerox des années 80. Et bien évident qu'il y a des travaux qui ont étudié toutes les incitations par les récompenses, par les palmarès, par l'affichage qu'on est le meilleur de la classe, des sanctions à la fois positives et négatives. Et c'était aussi une piste intéressante à creuser. Mais est-ce qu'avec ces outils managériaux assez récents, il n'y a pas un déplacement au sens où on n'a plus tellement l'illusion qu'on mesure, mais où la quantification en tant que production d'un artefact est assumée? Et Dardot et Laval, quand ils parlent du passage du libéralisme au néolibéralisme, ils parlent de tournant performatif. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ça dans les techniques de management actuelles, c'est-à-dire qu'on assume qu'on produit des conventions, tout le monde sait que le classement de Shanghai c'est du flan, mais on l'utilise quand même. Et on ne mesure pas la production d'un individu, on mesure un écart, donc des choses qui sont tout à fait conventionnelles et qui pourtant ont un effet. En fait, dans le classement de Shanghai, c'est assez génial parce que à chaque fois qu'il y a un président d'université ou un ministre ou un dirigeant important du secteur qui l'évoque, c'est pour dire c'est purement conventionnel, on sait qu'il y a plein d'erreurs dedans, qu'il y a plein de contingence qui est hyper critiquable, sauf qu'il est là et il faut le avec quoi. Et c'est comme dans le texte qu'avait proposé Razmi la dernière fois sur Thatcher, il n'y a pas d'alternative, c'est la réalité, il faut s'adapter à ça quoi. Et dans le cadre du déménagement de Adèle Cachan à Saclay, c'est exactement ça que dit le directeur de l'école, c'est voilà, maintenant il y a un classement de Shanghai, on pense que c'est. On n'est pas d'accord avec les critères. Mais il faut qu'on s'adapte, et sinon on disparaît, et donc il faut qu'on soit visible internationalement, etc. C'est pas parce qu'ils pensent que c'est bien, c'est parce que ça existe. Donc il y a toute une discussion qui est, voilà, personne ne nie les choix qui sont faits dedans. Sauf que, à terme, une fois que la performativité a opéré, les gens sont adaptés au classement, et donc on finit par intégrer comme critère, par incorporer comme critère, les critères du classement. Et donc maintenant, si vous commencez. La recherche fou si vous êtes dedans, ce qu'il faut c'est faire des publications dans des revues de rang A. La première chose qu'on regarde c'est comment est classée la revue et où est-ce qu'on va placer notre article et est-ce qu'on en produit suffisamment, dans quel labo on va être en fonction de comment il est évalué, etc. Et donc on intègre totalement le classement et finalement le classement a du sens puisque c'est le sens que lui donnent les professionnels du secteur. Quoi. Et à un moment c'est la réalité des pratiques de recherche, c'est celles telles qu'elles sont décrites par les indicateurs. On va avoir une deuxième discussion sur le fait que ça aussi sur les étudiants, qui est aussi du même ordre, qui est un moment où prendre le cas qui fait l'actualité aujourd'hui de Sciences Po, parce que son directeur est mort dans la nuit, comme d'autres à New York, à poil dans une chambre d'hôtel. Qui est le laboratoire en France de l'introduction des préscolarités et de l'adaptation un peu à ce paysage modifié d'enseignement supérieur de la recherche. Il y a une transformation des critères et de la façon de faire de l'enseignement, et de la façon de suivre des études, de consommer l'enseignement, parce que finalement c'est surtout ça, et c'était la dernière controverse à Sciences Po, c'est la façon d'investir en tant qu'étudiant dans ces études, comment ça transforme le rapport des étudiants aux études. Moi, j'avais prévu de vous citer la lettre ouverte des étudiants de Sciences Po à leur directeur, sorti le mois dernier dans, je ne sais plus si c'est le nom de l'UB, où ce qu'ils reprochent à Richard Descoings, c'est de considérer qu'ils sont là exclusivement pour avoir un meilleur salaire plus tard, alors qu'ils ont été à Sciences Po pour apprendre des méthodes, des concepts suivre des cours, quoi. Et Descoings, il dit non, en fait, ils sont là pour avoir un meilleur salaire quand ils sortiront grâce à leur dossier, grâce à leur diplôme de Sciences Po. Et donc, c'est normal qu'ils payent un prix qui correspond à ce service qu'on leur rend. Et c'est complètement la vision libérale de l'enseignement qui finit par s'instituer dans le comportement de Richard Descoings, dans le comportement des personnels de Sciences Po, et avec des résistances, sans doute, dans le comportement des étudiants. Et c'est aussi intéressant de essayer de comprendre à propos du palmarès de Shanghai pour comprendre, alors que beaucoup ont montré l'absurdité de ce classement, enfin de toute façon qui était destiné aux étudiants chinois, etc., dont on ne fait pas sens, et malgré tout il s'est imposé et il est devenu récurrent dans le débat. Il faut peut-être aussi envisager ça dans le cadre d'un dispositif beaucoup plus large, c'est-à-dire ce palmarès, il a eu autant d'écho, c'est parce qu'autour il y a des discours, et il y a justement tout un ensemble de techniques qui contribuent à ce qu'on s'intéresse et à ce qu'on le prenne au sérieux ou qu'on le prenne en considération pour gouverner son université. Si effectivement il a eu autant d'écho et une audience aussi importante, c'est pas étranger à la construction en parallèle d'un espace européen d'enseignement supérieur et de la recherche, dans lequel les universités sont volontiers considérées comme des entreprises, les étudiants comme des clients qui doivent donc orienter l'allocation de leurs moyens. Et donc pour justement choisir les universités qui conviennent le mieux à leur projet professionnel et à leur investissement en capital humain, il leur faut de l'information, etc. Donc s'il n'y avait pas tout ce contexte autour, il y aurait eu moins de sens accordé à ce palmarès. Mais c'est aussi la difficulté et la puissance de ces dispositifs auxquels il est très difficile de se soustraire, parce que, soyons honnêtes, sur Internet, il existe aussi de nombreux palmarès ou ce genre d'outils mis en place pour tout et n'importe quoi. Le parallèle est souvent fait dans les travaux en communication qui s'intéressent à ces classements, à la publication de ces classements dans la presse. Il y en a qui travaillent sur les sites internet, où il y a des classements qui se font automatiquement par les usagers eux-mêmes. Vous regardez les résultats, ou vous regardez bien comment sont classés certains produits que vous voulez acheter, vous faites attention à ces effets de notoriété, à ces effets de réputation, etc. Et peut-être en tant qu'étudiante, vous y jetez un œil, ou quand ça fait la une du point, vous achetez un numéro du palmarès des meilleurs hôpitaux, du palmarès des régions où il fait le bon vivre, etc. Ça a une audience certaine, et on a du mal à s'y soustraire. Pour peut-être aller un peu plus dans le sens de la question, en fait, mais c'est sans doute parce qu'on est en pleine production de ce truc-là, de quantification, enfin, c'est le moment de la quantification dans l'enseignement supérieur de la recherche, donc du coup, c'est peut-être même pas la peine de faire une généalogie, puisque c'est le début de la généalogie, donc sans doute on peut aller chercher plus loin. Et donc a posteriori, peut-être que l'effet performatif deviendra plus évident, et le fait que ce soit un investissement en capital humain, que les classements existent, que tout ça soit quantifié, va de soi, a posteriori. Et du coup, on s'invisibilise doucement, le déconstruit, en fait, tout ça. Et c'est parce qu'on est parce qu'il y a des résistances qui vont avec, que ce truc-là apparaît, et pour l'instant, sont encore, aléatoires, enfin, sont pas revendiqués comme étant parfaitement neutres et naturels. c'est sans doute quelque chose qui viendra dans un second temps, si c'est un institut. Non, moi, je ne voulais pas parler de la recherche, mais de l'agriculture, et pour faire partager peut-être une expérience militante, salariée militante. Ça me parle énormément de cette histoire de benchmarking, parce que ben, j'ai l'impression que ces techniques-là sont appliquées depuis fort longtemps dans la production agricole et dans l'élevage en particulier, et que la normalisation est en cours, et c'est quelque chose de très brutal, très violent, notamment quand on travaille avec les vivants. Par exemple, HACCP est appliqué très largement et ça devient la méthode pour prévenir les risques sanitaires. C'était tout d'abord quelque chose qui était fait pour l'industrie agroalimentaire et actuellement c'est obligatoire dans les fermes. Ce qui pose des problèmes très très importants parce que donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est en gros le paysan, et en général ça ne va pas très bien, elle est déjà sur un détail, etc. Et en plus de ça, on lui dit il faut que tu remplisses tous les jours, il faut que tu notes tous les jours, température, luminosité, tous les jours, tous les jours. Donc à la fin, dans un processus d'autocontrôle, il produit des milliers de pages voilà, de chiffres qui ne lui servent à rien. Et qui en fait sont un biais en plus du point de vue syndical pour virer les petits producteurs quelque part. Ça c'est une des formes et je serais intéressée pour... Si vous avez prononcé une notion qui est essentielle, c'est l'autocontrôle. Il y a l'autocontrôle et l'auto-évaluation. Ça fait absolument partie de ces dispositifs-là. Parce que là, je vous ai cité le benchmarking, parce que moi, c'était mon point d'entrée. On ne peut pas se braquer sur le benchmarking, hein, derrière... Après, on parle de palmarès, c'est déjà un peu autre chose. Les dispositifs qualité, c'est encore un peu autre chose. C'est un point d'entrée, mais il ne faut pas tout appeler benchmarking. Mais les questions d'autocontrôle... Ces techniques-là, à nouveau, donc, sont des techniques incitatives, non contraignantes, qui s'appuient sur la bonne volonté des individus, des acteurs qu'elles concernent, et qui trouvent, qui puisent sa puissance dans, qui puisent sa puissance, comment dire, dans le, mais dans cette tension, dans cette discipline et dans cette acceptation d'essayer de s'évertuer à être le meilleur, quoi, et à tendre vers toujours de meilleurs objectifs. Et dans le fait, effectivement, que du coup, au lieu de mettre un grain de sel dans la machine, eh bien, on veut bien quand même essayer, en tant que chercheur, on va quand même essayer d'avoir les publications demandées. Donc, on s'inscrit dans ces dispositifs. Ce sont des dispositifs. Et ça, c'est parfaitement, c'est pour ça que ça participe de la gouvernementalité néolibérale, c'est que ça consomme la liberté des individus. C'est-à-dire que si ça fonctionne, c'est parce que les individus le font. C'est exactement ce qu'on vit dans les réformes, en l'occurrence pour effectivement ceux qui ont été mobilisés dans les réformes, dans les luttes contre les réformes, les résistances, les mobilisations universitaires en 2009. Ce qui est tragique, c'est qu'on fait tout, quoi. Enfin, c'est que ce sont la communauté universitaire elle-même qui était mobilisée, qui se trouve prise dans les dispositifs et qui les fait fonctionner. Que ce soit en matière d'évaluation, des équipes, ce sont toujours les pairs qui évaluent encore, quoi qu'on en dise. Ça évoluera peut-être, il y a peut-être le danger que ce soit justement, il y en a de plus en plus à l'entrée d'extérieur, mais ce sont les pairs. Et donc c'est sur cette idée qu'il faut que ce soit les individus qui s'auto-évaluent, qui s'auto-contrôlent. Et c'est vrai que ces dispositifs produisent une... Comment dire, il y a un autre phénomène très intéressant à étudier, c'est la bureaucratisation néolibérale, quoi. Contrairement voilà, à l'idée que justement tous les discours néolibéraux c'est anti-étatique, anti-bureaucratie, etc. Non, au contraire, mais ça c'est quelque chose qui est toujours vrai, qui est inhérent au capitalisme, c'est éminemment bureaucratique et ça produit énormément de papiers, ça produit énormément de formulaires, ça produit énormément de normes, de codes, de choses à remplir. Et ça, en tant qu'enseignant-chercheur, on le constate aussi dans ce milieu-là. Et ce que vous dites des agriculteurs, les infirmiers pourraient également l'attester, évidemment les instituteurs à l'école avec les carnets, c'est un phénomène général. Mais là, évidemment, on sort du simple aspect benchmarking et quantification, mais ça, c'est un phénomène qui est également transversal et qui est mal cerné, notamment parce qu'il est rarement saisi, justement, comme un objet à étudier en lui-même. voyez, vous le croisez parce que vous travaillez sur le secteur de l'agriculture. Celui qui travaille, vous allez avoir Nicolas Bélanger, il vous l'expliquera dans le monde hospitalier. Nous, on aurait pu l'expliquer plus précisément dans le monde universitaire. Mais ça s'observe, ce sera intéressant d'essayer justement de consacrer une recherche à part entière sur ce phénomène-là, de manière transversale. Dans l'agriculture et l'alimentation s'accompagne une idéologie hygiéniste, et ça c'est vraiment très très fort, notamment à travers la normalisation du codex faite par le codex alimentaire et toutes les normes sanitaires qui sont en train de passer en ce moment, et que en automne dernier, fin octobre je pense, on a organisé pour la Fédération Paysanne, Minga, les AMAP, Nature et Progrès, enfin, un colloque sur la question de la normalisation du vivant, et on a discuté de ces questions-là, et notamment de l'apport de l'agroalimentaire. Les usages, les sciences sociales, oui, en dehors, voilà. On voit bien là. Oui, moi je trouvais très intéressant la généalogie du benchmarking, mais je me demandais aussi s'il y avait des travaux, j'imagine qu'il y en a, qui essayent d'expliquer les inefficacités qui peuvent être liées au benchmarking, inefficacités qui peuvent être le fait que mettre les meilleures pratiques, toutes les meilleures, dans un processus de production qu'on découpe en tranches, enfin les meilleures pratiques sur chaque tranche, c'est pas dit qu'on ait quelque chose qui fonctionne particulièrement bien sur l'ensemble, et puis on vient d'avoir un exemple de passer son temps à mesurer, c'est le cas dans la recherche, ce qu'on fait, on n'a pas le temps de faire. Donc il y a deux inefficacités très fortes liées au benchmarking, dont on n'a pas parlé là-dedans, pourtant c'est, y compris dans la mesure du processus, quelque chose qui me paraît assez intéressant. Donc je ne sais pas s'il existe des choses. Et, si, si. Alors, deux choses. D'abord, je ne sais pas si vous avez jeté un œil à l'article, mais en conclusion, justement, j'essaie de désamorcer une question qui m'a beaucoup été posée au début, c'est la question de l'efficacité du benchmark. C'est-à-dire que généralement, une fois qu'on explique ce que c'est, on me demandait souvent, mais est-ce que ça marche ? Et c'est pas ma question, en fait. Je m'en fous un peu de ça. Si c'est efficace ou pas. Mais c'est tout à fait ce à quoi cherche à répondre, ce à quoi les rapports d'évaluation commandés à des boîtes de consultants s'attellent. C'est-à-dire essayer d'évaluer, de mesurer dans quelle mesure est-ce que effectivement le benchmarking tient ses promesses, est-ce que ça permet à une organisation d'être plus performante ou pas, etc. Mais en fait, c'est pas tellement... ce qui est intéressant au niveau européen, c'était que tous les rapports d'évaluation arrivaient toujours à la même conclusion, c'est-à-dire que ça marchait pas, en fait. C'est que l'Union européenne qui s'était fixée, par exemple, l'objectif d'atteindre 3% de dépenses de R&D d'ici 2010, et bien en 2005, au lieu de progresser, elle avait plutôt reculé, notamment parce qu'il y avait eu l'élargissement, etc., mais pour d'autres raisons. Et en 2010, dans le contexte de la crise financière, ça n'avait pas tellement non plus, ça ne s'était pas amélioré. Donc, au final, la méthode employée pour essayer d'amener les États membres par le benchmarking à être plus, à investir davantage dans la recherche, visiblement, ça ne marchait pas. Mais au lieu d'en conclure qu'il fallait abandonner le benchmarking, enfin, il fallait essayer autre chose si on voulait atteindre cet objectif, au contraire, systématiquement, le réflexe était de rationaliser encore plus cette méthode, la systématiser, resserrer le nombre d'indicateurs, limiter le nombre de cibles chiffrées, etc. Donc la réponse systématique, c'était au contraire d'opérer ce qu'on appelle une rationalisation gestionnaire, c'est-à-dire avoir un tableau de bord beaucoup plus étroit et se fixer des objectifs plus précis, se recentrer sur quelques priorités. Et au passage, vous vous doutez bien que les priorités qui ont sauté, c'est toutes les priorités sociales qui ont été évacuées. Non, mais votre question, cela dit, elle est intéressante. Elle n'est pas pour autant... Elle n'est pas inintéressante et c'est vrai que moi, je n'ai pas fait ce travail d'évaluation en termes... Est-ce que effectivement, les objectifs qu'on se fixe en termes de benchmark sont effectivement atteints grâce à ce qu'on appelle le benchmarking. Cela dit, en gestion... C'est pas la question de l'efficacité, c'est la question dans quelle mesure l'argument de l'efficacité démontré ou pas, d'ailleurs, joue dans la généalogie du benchmarking. Parce qu'il y a ça aussi. Si à un moment donné, c'est adopté, c'est alors il y a une dimension de bon sens, de faux bon sens qui conduit à adopter cette technique, mais effectivement, si vous considérez que le benchmarking c'est fait pour son efficacité, elle se mesure à l'aune de la compétitivité qu'elle a pu apporter à l'organisation dans laquelle c'était mis en pratique, je pense que en fait on loupe le sens profond du benchmarking. Le benchmarking, en fait, ça ne sert pas à ça. C'est pour ça que malgré son inefficacité apparente, puisque si on s'en tient à nouveau à l'exemple européen, voilà, on a été dans la crise, dans une crise. On a connu une crise qui a absolument fait échouer, enfin qui a fait échouer, c'est pas la crise, mais au lieu d'être l'économie la plus compétitive du monde, comme c'était annoncé en 2000 et c'était l'objectif à atteindre grâce au benchmarking, on a été dans la crise, une crise historique sans précédent, dramatique, avec des économies publiques qui ont atteint des niveaux plus bas. Donc on pourrait se dire, bon, ça marche pas, on va changer de braquet, on va changer de méthode, on met tout ça à la poubelle. Mais au contraire, les dernières évolutions, les derniers discours, à chaque fois, au contraire, on met ça sur le tapis, on considère que si ça ne marche pas, c'est pas que le benchmarking est intrinsèquement inefficace, c'est parce que les pays membres, en l'occurrence, puisque je parle de l'Union européenne, n'ont pas manifesté suffisamment de bonne volonté, ils n'ont pas assez appliqué cette technique, ils n'ont pas assez fait d'efforts, ils n'ont pas utilisé assez d'indicateurs, ils ne se sont pas fixés assez de cibles chiffrées, etc. Et de fait, on voit se multiplier ou se systématiser et s'institutionnaliser tous les dispositifs qui, en France, ont été véhiculés par la LOLF, la loi organique sur la loi de finances, la RGPP, etc. Mais alors, cela dit, vous avez quand même des auteurs, et c'est souvent des auteurs critiques en gestion, je pense à quelqu'un comme Maya Beauvallet ou à des auteurs comme Les Pesées, qui mettent l'accent sur les effets pervers des indicateurs, sur l'absurdité, effectivement, de certaines cibles chiffrées, sur l'aspect chronophage des exercices bureaucratiques que ces techniques imposent, etc., etc. Donc ça existe. Et c'est intéressant d'avoir ces travaux, mais ça ne met pas en question, ça, en tout cas, c'est leur problème, donc c'est complémentaire, mais le problème, en tout cas, eux, ce n'est pas un problème de sciences politiques ou de sociologie politique, ils ne cherchent pas à comprendre, là encore, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les pesées, ça les intéresse aussi. Donc. Mais vous voyez, ce n'est pas tout à fait le même problème, voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais c'est complémentaire, c'est-à-dire, effectivement, ce serait intéressant d'essayer de... C'est une forme de résistance, voilà. On pourrait se dire qu'une manière de résister à la prolifération de cette technique, ce serait d'apporter la preuve, justement, que ça ne marche pas. Et à force d'apporter la preuve que ça ne marche pas, peut-être qu'on réussira à convaincre et à casser un peu le mythe ou la dimension idéologique qui entoure ces pratiques-là. Mais c'est, à mes yeux, c'est un autre questionnement. Mais c'est intéressant quand même. Moi, j'aurais deux questions. La première, c'était sur ce que vous disiez à la fin, sur essayer de créer des lieux de rencontre entre militants, chercheurs. Est-ce que vous avez des exemples où ça marche? Parce que moi, j'ai plutôt l'impression, justement, sur les rapports de pouvoir qu'il peut y avoir entre un ouvrier et un chercheur, même avec toute la bonne volonté du monde, c'est difficile, j'ai l'impression, de pouvoir... parler des mêmes choses dans les mêmes termes, qui soient compréhensibles pour deux mondes du travail qui sont différents pour tous les contrôles, ça va être un peu plus compliqué. Il y a un effort à faire, je pense. Il y a un effort à faire, mais du coup, est-ce que vous avez des deux côtés, hein. Des exemples à faire? Oui. Mais il se trouve que je dois avouer que travaillant sur l'enseignement supérieur et la recherche, enfin, en l'occurrence, cet effort de popularisation, je l'ai fait autour d'un bouquin qui concernait le monde de la recherche. Donc les interlocuteurs et les syndicalistes étaient des chercheurs, des universitaires, donc c'est peut-être plus facile. Il y a des universités populaires aussi qui se mettent en place. Oui, oui. Mais j'ai l'impression que c'est aussi des militants, mais qui sont aussi investis dans la recherche, des études, ou des étudiants qui sont en CAP, quoi. Enfin, donc voilà, moi, ça me paraît hyper intéressant, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont pensé à comment dépasser ce rapport de pouvoir pour discuter de sujets? Je pense qu'il faut avoir conscience, il faut réussir à aussi à... J'allais dire un non, mais en même temps, il y a peut-être des personnes ici qui sont plus à même de répondre, parce que je pense à des exemples historiques, je me dis que voilà, quelqu'un comme Bourdieu, c'est quelqu'un qui a eu un écho, une audience et un lectorat, alors que c'est pas facile à lire, hein, Bourdieu, quand même, bien plus large que le cercle universitaire ou de personnes qui ont fait des études supérieures. Il y a notamment les bouquins peut-être plus accessibles, mais qui ont été lus et qui ont parlé, qui ont parlé, même si on ne comprend pas tout, il y a des choses qui font titre. Et donc il y a des auteurs qui... Je ne sais pas si on peut... Dans la CDC, il n'y a pas de collectif de chômeurs qui interagissent avec les statisticiens sur les chiffres de chômage. Ouais, mais ça veut dire quoi que le chômeur il... Non, mais ils peuvent faire des études, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est des gens, c'est des collectifs militants. Ah oui. Qui se retrouvent avec les autres chiffres du chômage. C'est un collectif de statisticiens qui déconstruit les chiffres du chômage donnés par le gouvernement et qui explique comment il faut les lire et éventuellement comment ils sont mal donnés. Et alors, je sais, je connais vraiment pas bien, mais j'ai l'impression qu'il y avait au moins une interaction avec, avec des collectifs de droits des chômeurs. Mais je ne sais pas si quelqu'un qui a regardé. Parce qu'il me semble en tout cas que ça fait partie du métier de chercheur en sciences sociales de faire de s'ouvrir au monde, hein, c'est vraiment des choses, mais aussi que la mésentente, elle n'est pas forcément entre ceux auxquels. Elle n'est pas forcément entre universitaires d'un côté et ouvriers de l'autre, comme vous prenez cet exemple-là, et qu'il peut y avoir une plus grande mésentente entre deux universitaires plutôt qu'entre un universitaire et un ouvrier. Mésentente au sens Laurentière. C'est un peu ce que, enfin, je pense, on les a croisés tout à l'heure, Stéphane Beau et Michel Pialou, c'est ce qu'ils ont cherché, c'est ce qu'ils cherchent à faire, hein, clairement. Oui, il a fait ça. Ah, oui. Oui. Il y avait une question, donc Cédric Durand, et puis... je voulais juste donner quelques exemples par rapport à ça. Il y a par exemple un réseau de chercheurs militants qui s'appelle INURA, sur les questions nouvelles, comme vous le disiez, l'urbanisme, ce genre de choses, et c'est né à travers le forum social de la ville dans le cadre des forums sociaux européens mondiaux. Par ailleurs, c'est encore dans mon domaine, mais par exemple sur les OGM, sur le nucléaire, il y a un certain nombre de questions, de domaines dans lesquels il y a des chercheurs qui se démarquent des lignes officielles et qui viennent discuter justement et s'enrichir des collectifs militants. Mais juste pour politiser un peu cette question, c'est extrêmement difficile. Et souvent, ces chercheurs-là sont quand même mis à l'écart dans leurs propres institutions. Donc, il y a aussi cet aspect-là de la question, mais c'est quand même pas toujours évident, notamment quand on travaille sur les OGM et qu'on travaille à l'INRA, par exemple. Oui. Moi, j'avais juste une remarque après sur les discussions à propos de les militants, les chercheurs et les autres. Ça me fait penser à un article de Julie Butler qui est publié chez Poum, bon, donc ça ne me verra pas, mais c'est justement sur la théorie et comment on met la théorie et comment essayer de créer des ponts entre différents mondes. Et donc, je pense que c'est une idée qui est finalement assez banale, mais quand même assez intéressante, c'est qu'elle dit que finalement, la théorie, c'est pas non plus l'apanage des chercheurs et des chercheuses, mais c'est aussi, elle prend l'exemple des groupes féministes des années 70, qui étaient des groupes militants composés de personnes d'univers sociaux différents, disons, et qui étaient un mouvement militant extrêmement fructueux en termes théoriques, en termes de publication, mais aussi en termes de concepts, et notamment l'idée de violence faite aux femmes, c'est né de là, enfin, tout ce que je vous ai mentionné. Et donc voilà, juste aussi penser que peut-être, elle dit qu'en gros, si on se retrouve à trois et qu'on pense à un problème social, on va finir par produire des concepts et de la théorie. Et effectivement, partir de ce postulat-là, ça permet aussi de créer des ponts entre des mondes différents. Et par ailleurs, il y avait une question... sur la quantification. Donc, tu as donné l'exemple des violences envers les femmes, et il se trouve que c'est un peu mon truc. Et justement, ça pose moi, je trouve que c'est vraiment un vrai problème. Quoi. Pour moi, c'est vraiment un cas d'école de l'argument statistique et ses limites. C'est-à-dire que. Aux États-Unis, c'est une histoire très compliquée. Il y a eu 1 milliard d'enquêtes très très tôt. D'abord, c'était des enquêtes administratives, FBI, tout ça, on compte le nombre de mortes. Bon, c'est tangible. On peut pas. Après, il y a eu des enquêtes où justement on comptait, on ne savait pas comment compter. Alors on avait interviewé des gens, on disait, on va compter le nombre d'actes et voir dans un couple qui se tape dessus, comment, machin. Donc là on arrive à des résultats où finalement c'est 50-50, c'est-à-dire qu'il y a 50% d'hommes victimes et 50% de femmes victimes. Et après il y a des gens qui ont dit, mais en fait la violence, c'est pas ça. La violence, c'est un contexte, c'est pas seulement une histoire d'actes. Et en France, c'est un peu la méthode qui a été... Et là, on trouvait que, en fait, c'était principalement des femmes qui étaient victimes de violences dans les couples hétérosexuels. Et ça reprend la définition féministe de ce qu'est la violence conjugale. C'est-à-dire, c'est pas seulement un acte, c'est un contexte de violence, c'est un contexte d'asymétrie et d'inégalité dans le couple. Et en France, c'est le postulat qui a été pris. C'est-à-dire que la violence n'est pas un acte, mais c'est un contexte, disons. Et du coup, comment tu fais pour quantifier ça? Comment tu fais, même pour... par quelle convention, justement, tu peux déterminer, bon, bah, alors ça, c'est un contexte de violence, sachant que la subjectivité est vraiment... est très présente, quoi. Du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment un cas limite, dans le sens où, à la fois, les associations militantes ont vachement demandé à ce qu'il y ait des enquêtes statistiques pour légitimer leurs actions. Donc c'est aussi une demande militante, c'est une demande associative. Et en même temps qu'elles demandaient ces statistiques, les statistiques ont elles-mêmes été légitimées par leur côté politique. Enfin, il y a eu un débat monstre en France avec donc les personnes de l'ORGEF en France d'un côté, et puis après Badinter, Raphaël Aubrac, tout ça qui se disait non, c'est politique, mais non, c'est pas politique, c'est statistique. C'est bon. Donc du coup, c'est vraiment la limite de l'argument statistique. Enfin, c'est une question ouverte. Enfin, c'est bon. Ouais, je suis d'accord. Non, parce qu'il y a un certain... Ce que j'essaie de présenter, c'est que quand il y a une quantification, c'est qu'il y a quelqu'un qui a les moyens et la volonté de convenir qu'est-ce qu'on va mesurer, et au passage décide ce qui est légitime d'être pris en compte et ce qui ne l'est pas, quoi. Et si c'est pas possible de prendre en compte sérieusement les violences faites aux femmes au sens qui est légitime pour les mouvements féministes, c'est sans doute aussi parce que c'est pas possible dans le système tel qu'il est, avec le pouvoir tel qu'il est, et que quelqu'un d'autre pourrait le mesurer, mais qui n'a pas les moyens, etc. J'imagine qu'on n'a pas proposé de produire un institut statistique féministe qui serait confié, enfin, pareil, ça reposerait des questions politiques, ça décale les questions politiques, quoi. Mais c'est vraisemblablement ni à l'INSEE ni à la police qu'il faut faire confiance pour faire ça, quoi. Ça, par contre, on est à l'INSEE. Ils seraient pas contents, les réalités. J'ai pas pensé, mais quand tu demandais des exemples, il y a tous les réseaux d'éducation populaire, type ATTAC, il y a la Fondation Copernic, il y a plein de lieux où se mêlent chercheurs, militants, nouveaux artistes. Je sais pas, il y en a plein, en fait. Et justement, pour reprendre la question du féminisme, j'ai aussi rencontré des femmes qui se sentaient mal à l'aise dans des réunions féministes, parce que c'était de plus en plus théorisé, de plus en plus... Moi je suis féministe machin, moi je suis féministe truc, et du coup au final c'est juste une femme qui a envie de se mobiliser, donc je sais pas, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, c'est un exemple que j'avais pensé aussi. Frédéric. Moi c'est pour rebondir en fait, sur les deux questions, celle de David et puis celle que Pauline a posée tout de suite. C'est qu'on sent qu'il y a un peu de débat. On va dire en gros, en quoi aujourd'hui le matchmarking est utilisé pour organiser la guerre de tous contre tous à tous les niveaux, généralisation de la concurrence et finalement une intensification, une extension de la logique de la compétition capitaliste dans plein de domaines. Et ça on le voit bien et c'est super important de le mettre en évidence, je pense que c'est un point très fort. Mais il y a un peu une deuxième question, c'est ce que tu soulevais à l'instant, ce que David, c'est en quoi c'est quelque chose aussi qui n'éclaire rien, hein, qui n'aide rien à comprendre. C'est-à-dire que y compris dans une perspective, soit pour analyser ce qui se passe, soit dans une perspective d'émancipation, on a besoin de comprendre les processus. Et une des choses qu'on doit montrer dans une perspective critique, c'est que ça n'aide pas à éclairer. Alors, l'exemple que vous prenez en rendez compte, il y a eu beaucoup de choses là-dessus, puisqu'évidemment, il y a eu tous les rapports qui disent, voilà, il faut faire ça, cocher des cases, la transition c'était mieux, la transition à l'Est c'était mieux. Donc il y avait des vraies privatisations, de bonnes ouvertures, il y avait des salaires de 1 à 5, il y en avait plein, c'était vraiment magnifique. Sauf que ça ne marchait pas du tout. La Biélorussie, c'est la catastrophe, c'est qu'on a pire transition, et puis l'Ukraine qui avait des super bons points, ils ont leur vie s'effondrer de manière bien plus importante que la Biélorussie qui était à côté. Donc il y avait un côté un peu, ça n'explique pas du tout ce qui se passe. Hein. Ça n'explique pas du tout ce qui se passe. Dans l'automobile, il y a eu beaucoup de régulos qui ont travaillé sur l'industrie automobile, les industries régulationnistes. Ils ont dit, en gros, dans l'automobile, il y a eu tout un moment où on faisait, voilà, il y a les meilleures pratiques, c'est ça, donc les entreprises tendaient à se copier les unes des autres. Eux, ils ont dit, bah non, c'est pas ça, en fait, il y a des modèles productifs dans lesquels joue la formation, le type de demande, donc quelle configuration d'ensemble qui permet de comprendre ce qui se passe. Même chose sur la, l'idée, ça rejoint un peu l'histoire des modèles, est-ce qu'il y a le meilleur capitalisme, hein? Il y a tous les débats sur le meilleur capitalisme, il y a toute une littérature comparative qui a dit, ben non, on ne peut pas prendre les points de manière isolée, ce qui compte c'est la configuration. Bon. Mais dans une perspective dans l'émancipation, c'est aussi un peu la même chose, c'est un peu l'avertissement que ça nous envoie. Certes, ça n'aide pas à comprendre ce qui se passe, le benchmarking, mais si on veut aussi penser à l'émancipation, les objectifs isolés, quels qu'ils soient, aussi louables soient-ils, ne permettent pas de mettre en évidence la logique relationnelle, les configurations, les interdépendances. Et c'est une partie qui, du coup, est un peu décalée par rapport à l'objet de ce qui est présent. Mais qui dit que ça doit aider à comprendre? C'est ça que je comprends. Qui dit que ça doit aider à comprendre? Ça n'a jamais eu vocation à aider à comprendre. Il y a des cas où il y a des vraies demandes. C'est-à-dire, sur la question des boursiers tout à l'heure, sur la question des violences faites aux femmes, savoir si il y a plus de boursiers dans un établissement qu'un autre, si ça dit quelque chose, c'est intéressant. Après, sans doute, ce qui est vrai, c'est que c'est intéressant à un moment donné et que ça cache toute la perspective historique, tout. Je ne sais pas, c'est que la configuration, c'est aussi l'histoire, quoi. C'est la dynamique. Le statistique ou le benchmark? Parce que là, c'est vrai que du coup, il y a deux trucs différents. Parce que, Il y a une dimension benchmarking. Les gens qui font du benchmarking prétendent que ça permet des effets. Ils prétendent. Que ça? Que ça produit des effets. Ah oui, oui. Normativement, voilà. Et il y a une partie de la discussion qui porte sur le fait que c'est vrai ou c'est pas vrai ce qu'ils prétendent. Donc ça, c'est une partie de la... Ah non, mais ça produit des effets de gouvernement. Non, mais de leur point de vue, il y a des effets de gouvernement. De leur point de vue, il y a des effets. Moi, je pense à la transition, puisque j'ai travaillé là-dessus, mais c'est, moi, j'adorais. C'est super, ouais, c'est vrai, mais c'est crème. Voilà. Promettez aux gens, je leur dis, si vous faites ça, vous allez voir, ça va bien se passer avec les gens. Donc, il y a un débat aussi intellectuel qui est important dans une posture politique de se confronter à la fausseté d'une théorie, d'un certain point de vue. Malgré tout, même si une théorie râle et pas crête, c'est un peu une théorie du coup, Ah oui, il y a des prétentions théoriques, oui. Il y a des revues, il y a des universitaires qui sont... Mais c'est juste à propos de la compétition. Ce qui est aussi intéressant à étudier, ce qui va être un peu paradoxal, et j'aurais peut-être pas le temps de le développer, mais en fait, le benchmarking, c'est un outil de coopération. C'est que les entreprises qui se benchmarkent entre elles, elles établissent des partenariats entre elles. Et c'est ce qu'on appelle en langage managérial la coopétition, c'est-à-dire la collaboration compétitive. Et en fait, le benchmarking, c'est une façon de se mettre en relation avec d'autres, sur un plan d'équivalence qui ne vous compare et qui vous classe, mais c'est un outil de socialisation, en fait. C'est une socialisation par la concurrence, mais c'est une socialisation. Et ça... La compétition peut être aussi une manière de réduire la concurrence qu'induit le benchmarking. Le benchmarking, c'est pas un... Ça peut être une réponse aussi au benchmarking. C'est comme réponse au benchmarking... Là, maintenant, on a intérêt à le vécu, parce que de toute façon... Ça crée de la coopétition. Le benchmarking, c'est un des outils de coopétition, en fait. C'est, à nouveau, c'est les partenariats. Oui, puisque ce n'est pas des concurrents directs. Donc, ils ne sont pas en concurrence économique. En revanche, ils se placent en situation d'émulation, si vous voulez, si vous préférez le terme. Donc, cette tension, pour être le meilleur des meilleurs, c'est difficile. Il y a une petite nuance à apporter avec la concurrence économique sur un marché. Il y a deux dynamiques un peu différentes. Il y a les deux qui sont présentes. Mais ça, c'est pas toujours évident à comprendre, mais ça explique beaucoup de choses. Parce que, effectivement, si c'était la guerre de tous contre tous, ce serait voué à vite faillir. Quoi. Ça serait fini. Or, si on considère très vaguement que ce qu'on connaît dans le monde de la recherche, il y a un peu de benchmarking là-dedans, et bien, mine de rien, il n'y a jamais eu finalement autant de projets de recherche et de groupes de créés et de coopération ou de liens. Alors, c'est pas la coopération au sens émancipateur. C'est dans le même secteur, pour le coup. Oui. Et donc, là, justement, cette compétition dans le secteur académique, elle est aussi une manière de réduire peut-être certaines pressions qui existent de l'extérieur liées au benchmarking. À partir du moment où on travaille tous ensemble. Oui, mais c'est ça que je dis. C'est pas qu'on travaille tous ensemble. Au contraire, c'est qu'il faut se distinguer les uns des autres. C'est-à-dire, il faut se travailler avec certains pour se distinguer d'autres. Oui, mais à partir du moment où on fait des coups de benchmarking. Il y avait une dernière question, et peut-être après on. Un point sur les validations. Sur ce qui a été dit par rapport à la possibilité de comprendre ce qui se passe actuellement, et pour lier à ce que vous avez dit sur le pouvoir incitatif qui est un caractéristique de cette idéologie managériale, je me demande s'il faudrait penser à la possibilité d'une mutation depuis 2-3 ans dans le cadre de la crise financière actuelle. En s'appuyant sur l'expérience de la dette grecque, parce que je crois que ce qu'on a vécu depuis au moins 2 ans, à Grèce, c'est surtout, c'est pas tellement une, disons, une politique de pouvoir incitatrice depuis la trentaine, mais une sorte de chantage mafieux. Ah oui, mais ça en est, oui. Donc, il ne s'agit pas tellement de dire si vous appliquez telle mesure, vous aurez ce but, mais écoutez bien, soit vous acceptez ce plan d'austérité, soit vous crèvez de faim et on s'en fout. Donc, je crois qu'on est coincé de l'évitement du conflit au chantage et à une sorte de courte circuitement, dans le sens où, au lieu de. Essayer d'envisager des solutions dans une, dans un esprit de coopération, on assiste à une sorte de mise à sac et de faire chanter les populations des États entiers. Mais la discipline financière au niveau européen a toujours été associée à des outils de durs, à des outils de contraintes légaux et financiers. Oui, mais donc on n'est pas dans le cadre. Pardon ? Oui, mais il y a... Oui, non, mais là, vous, oui, mais ils ont été réactivés durement. Ouais. Enfin, là, ce que vous pointez, c'est pas, on n'est pas dans le cadre du management soft, management par le fait, de l'incitation, etc. Là, effectivement, on a le bâton, on n'a pas la carotte que je vous montrais. Ouais. Oui, mais c'est évidemment, ça marche ensemble. Hein. Enfin, ça marche ensemble. Mais c'est ça aussi, c'est le jeu comme le monde, c'est pas le benchmarking, mais... Il paraît qu'on a abandonné le carotte. Qu'on mise plutôt sur le plafond. Oui, il y a les deux. Sur le topic des universités, il reste plein de politiques. Ils ont plusieurs moyens pour gouverner. Hein, ça, y a pas de... On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup. Donc la prochaine fois, on parlera, donc, je parlerai avec Nicolas Bélanger des effets.